the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Etienne Smokers avec Closer dans le Before Party Fun sur Fun Radio. On parlait en antenne avec Adrien de savoir qui mixait ce soir dans Party Fun. Voilà, ce sera les Blaster Jacks. Bon, à minuit donc. Bravo le blanc, les gars. Bravo. J'ai entendu un blanc. Bravo. Et en plus, on peut pas discuter. Trois jours qu'on est là, il dépasse l'heure. Oh. Doc, il est mais pile poil à l'heure. Hein. 48 soit, quand même. Faut que ce soit 20h. Ah oui, ah, les gars. Allez, les gars, vous vous faites engueuler là. Il est 20h00 et 55 secondes. C'est le coup d'envoi de Love in Fun. Merci beaucoup, les mecs. Bonne émission. Salut. Ouais. Salut, ciao et à demain. Salut. Karel a passé tout l'été à chasser le Pokémon. Pikachu. Lui, il me le faut là. J'envoie ma Pokéball et un plus. Je te tiens, Pikachu. Doc a batifolé avec son amoureuse. On va éviter les coups de soleil, ma chérie. Je vais t'étaler de la crème dans le dos. Oui, bien sûr, mon roudoudou d'amour. Où ça, roudoudou? Il est où, là? Vas-y, là, c'est le sac qui manque. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je chasse les Pokémon. Alice a fait des heures de conduite pour passer son permis et elle est à fond. Oh non, qui c'est qui m'a balancé une carapace verte? Et elle fait quoi, cette peau de banane, là? Non, sérieux, t'as eu carabaf? Karel? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Bah, je chasse les Pokémon. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio, Love in Fun qui démarre en pleine forme, tout le monde hein, au taquet là. C'est vrai qu'il fait chaud là en ce moment dans toute la France. Mais à Paris surtout. Il y a, j'ai noté une petite phrase de Kassim qui venait de rentrer dans le studio et qui nous a dit ça sent le poney dans le studio. Et je lui ai dit qu'il avait dû oublier de se laver. Oh. Ça c'est bien possible. On est très content de vous retrouver sous la chaleur. Mais oui, c'est encore l'été, c'est encore les vacances. J'espère que vous en profitez bien et que vous allez profiter de cette soirée pour nous appeler. Ici on parle de tout dans Love in Fun. Le numéro de téléphone, c'est une vraie libre antenne qu'on fait chaque soir avec vous tous. Toutes 01 42 48 5000. Toute l'équipe est là au grand complet. Ouais. Nouvelle équipe hein, pour ceux qui nous rejoignent. Il y en a tous les jours hein, qui nous rejoignent, voilà, qui découvrent aussi l'émission. Alors, on n'a pas changé une équipe qui gagne, bien sûr. Hein. Je m'appelle Karel, Doc est avec nous. Bien sûr, comme toujours. Notre bonsoir à toutes et à tous. Transformé, amoureux, qui nous montre. Bien sûr. Ta chérie, Katoch, est une artiste. Tu nous avais caché ça. La preuve que non, je te l'ai montré. Moi, j'offrirais bien une de ses œuvres, tu vois, à nos auditeurs, par exemple. Ben on va y réfléchir. On a un petit nouveau dans l'équipe, il est à la Réa tous les soirs. Il remplace en fait Kassim à la Réa. C'est Godefroy, ça va Godefroy? Ça va nickel, et vous? Ah bah, super, tu es en train de transformer ma vie. Maintenant, une petite vitamine C avant de démarrer l'émission. Je me sens revivre. Eh bien écoute, je suis là pour ça. Cassim est toujours là, bien sûr. On n'a pas pu s'en débarrasser. C'est pas faute d'avoir essayé. Ça va, Cassim? Bah ouais, c'est cool. Là, je suis en train de siroter un sundae, tu vois. Je réalise plus, donc je fous rien. En fait, c'est vraiment... Il est vachement relou. En fait, il chope rien, quoi. C'est ça. Mais c'est le branleur de cette équipe. Célibataire. Il pipote grave. Bah non, je mange un sundae. Ah oui, d'accord. On pas. Il va du mytho, hein, je le vois, hein, il est vraiment en train de manger. Avant, soi-disant, l'année dernière, il sautait toutes les filles, maintenant il bouffe des sundaes. Ouais, et puis en plus, il est de moins en moins drôle, dis donc. C'est ça, c'est vrai. Et Alice, si. Ah si, bah si, Cassim, il a de la chance, il est juste à côté d'Alice. Oui, enfin, moi j'en ai un peu moins du coup. Tu vois, mais c'est... parce qu'hier, il a pas arrêté de la tripoter. Hein. Non, il me tripote pas. On l'a touché, il te touchait. Non, mais là, je le vois, tu vois, en train de lécher la paille de son sundae, j'ai juste envie de te dire, ça me dégoûte. J'en place une pour Greg, animateur sur Fun Radio, qui nous regarde régulièrement sur funradio.fr et qui a posté hier une petite vidéo où on voit effectivement un rapprochement entre Cassim et Alice. Non, ça s'appelle un dialogue. Je vais réussir. Touche, il te fait sursauter, il te met les mains dans le dos. Enfin, je l'ai vu. Pas dans le dos. Hein. Bah, ça va pas marcher, ça. Hein. Il a tout faux. Hein, le on a deux beautés au standard. Hein. Je les appelle. Ouais. Je devrais. Mais je passerais pour Cyril Hanouna si je les appelais mes petites beautés. Mais, les beaux gosses. Hein. Ouais. Mais franchement, ils sont beaux gosses. Bon, hein. Tous les deux. Alors, on a Guillaume. Ça va, Guillaume? Salut, Karel. Salut, tout le monde. Ouais, ça va super bien. Et on a Cindy, bien sûr. Salut Cindy. Alors l'enquête continue sur ton mec. Hein. Il y en a beaucoup qui veulent savoir qui travaille à Fun Radio. Je suis pas sûre que la France veuille savoir qui c'est. Ah mais on reçoit beaucoup. Non mais je pense qu'il y a d'autres mecs qui voudraient savoir qui pas c'est. Pas France, non. On a notre auditeur du soir qui est avec nous. C'est Hugo. Bonsoir Hugo. Salut Hugo. Salut Karel. Salut Alice. Salut le doc. Et salut toute l'équipe. Salut Hugo. Alors ça c'est totalement novateur. Hein. C'est nouveau dans cette émission. C'est-à-dire que on s'est dit on est déjà nombreux dans l'émission, mais on va être une personne de plus. Vous allez faire Love in Fun avec nous chaque soir. Hugo, toi t'es notre auditeur du soir, tu seras avec nous pendant toute la soirée. T'es content d'être là, j'espère? Bah ouais, c'est carrément, ça me fait super plaisir d'être là. Vous avez une super idée de faire l'auditeur du soir. Et bah comment tu t'organises au niveau de la batterie de ton téléphone, la 2 heures au téléphone, tu t'es bien mis là, t'es bien installé? T'inquiète pas, 100% de batterie pour le Vinson. Ok, et bah ça fait plaisir. On va accueillir ensemble, alors Hugo, si tu veux bien, Louis. Louis, il a 20 ans, de Châteauroux. Salut Louis. Salut Louis. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Salut Louis. Et Karel? Oui. Je peux juste rectifier un truc que t'as dit. Mais bien sûr. T'as dit que les standardistes étaient des BG, mais tu disais pareil pour Ryan et Cécile avant. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu sous-entends là? Ah bah, ça fait gros lèche-boule quand même. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, t'as raison. Ryan, c'est exactement ça. Oui, oui, ça va. Ryan, dans son petit surpoids, était BG aussi, quoi. Et Cécile, depuis qu'elle s'est fait refaire les seins, elle est super bonne aussi. Hein. Ouais, déjà même avant. Ah, hein. Bah oui, grave. Non, on les embrasse d'ailleurs. Ryan et Cécile. Louis, qu'est-ce qui t'amène dans l'émission, toi? Alors moi j'appelais c'est parce que en fait tu vois là en ce moment je fais mes études et je suis en là pendant pour le moment je suis en camping et tout ça et je m'en vais vendredi. Sauf que le problème c'est que je suis toujours vierge et que j'ai envie de baiser avant vendredi. Mais pourquoi? Donc il me reste deux nuits. Mais non, mais il y a des meufs genre elles sont trop bonnes dans ce camping et tout. Donc du coup là il me reste deux nuits pour faut absolument que je baise, tu vois. Okay. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment faire pour réussir à pécho et baiser. Alors déjà, tu vas pas lui dire j'ai envie de te baiser. Ah ouais, des fois, tu dis plus baiser déjà. Mais ça va t'aider. Est-ce que ça fait combien de temps que t'es en camping? Là, ça fait une semaine. Et pendant une semaine, qu'est-ce que tu as fait avec les filles? On a été à la piscine et tout ensemble, tu vois. Mais est-ce qu'il y avait des rapprochements possibles? Ouais. Ouais, on rigolait, enfin avec deux trois filles, on rigolait et tout, enfin tu vois, c'était. Mais qu'est-ce qu'il y a, t'es coincé ou pas? Non mais moi j'ai le secret de toute façon. Enfin moi je suis allé en camping tous les étés pendant des années et j'attendais le bal du camping. Ou l'élection de Miss Camping. Le bal du camping. Non, mais attends, il y a forcément un bal, Louis, dans ton camping à un moment donné, non? Une soirée, quoi. Ouais, on appelle ça un bal. Mais attends, Y a des soirées, ouais. Est-ce que tu as remarqué des filles qui étaient intéressées par toi ou pas du tout? Non, pas trop. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu fais les feux de camp le soir? Est-ce que tu sors après 23h? Est-ce que t'as une guitare, par exemple? Parce que le guitariste, c'est le mec qui pécho, il peut être moche, il pécho. Ça dépend comment il joue. Hein. Non, mais même, franchement. Ouais, le soir, genre, des fois, on rentre à 2h, 3h du matin et je traîne toujours avec ces filles-là, quoi. Eh ben voilà, il faut attaquer, mon pote. Hugo, toi, t'as 16 ans, t'es notre auditeur du soir. Comment est-ce que tu fais pour draguer les filles pendant les vacances, toi? Ah bah moi très simple, j'attends pour le coup pour le camping, moi j'y étais allé pas mal de fois et franchement t'attends la soirée du soir, parce qu'il y a toujours une petite soirée à la fin de la journée, ça peut passer, voilà. Tu traînes avec la fille avec qui t'as envie de concrétiser, ça peut passer franchement. Alice, comment pas faire le relou là au camping Concrètement, franchement, justement, t'es au camping, il te reste plus que quelques jours, tu tentes le tout pour le tout, quoi. C'est ça, tout est fait. Je veux dire, t'as rien à perdre. Je vais vous dire une chose qui est constante. Le mec, il a tellement envie que ça s'assoit. Bah oui, c'est ça. Et du coup, les filles n'aiment pas. Donc, en fait, ça dépend, elles traînent avec lui, donc c'est que ça les dérange pas trop. Non, mais elles veulent pas passer à l'acte comme ouais, ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, faut être plus décontracté, plus cool. T'es en train de dire, Doc. Et fais les rires. T'es en train de dire que si on veut absolument baiser, comme nous disait ça Louis. Ça se voit. C'est, oui, voilà, faire l'amour. je préfère. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de ne pas vouloir le faire. De ne pas le montrer. Donc, de ne pas y penser. Tu entends, Louis, tu fais le mec détaché. Ouais. D'accord. Ok, ouais. Hein, ouais, je vais essayer, ouais. Et tu leur parles quand même. Et puis voilà, tu leur parles. Tu peux faire des travaux d'approche, tu sais pas faire ça. T'es déjà sorti avec une fille. Comment t'as fait pour draguer Katoche, Doc, toi? Ouais, ça, c'est vrai. Comment t'as fait Non, mais c'est vrai parce que. La recherche. Le petit regard. La première fois, Doc. Je parle. Tu parles. Je parle. Oh putain, Michael. T'as parlé longtemps avant d'agir? Ouais. Mais tu lui parlais de quoi De tout, de rien. Oh, de tu lui as fait des poèmes aussi, ouais. Oh, non. Ne fais surtout pas ça. Louis, ne fais pas de poème. dites-nous, on va lancer le standard, là, 01 42 48 ça pile, parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont en camping, là. Et peut-être, d'ailleurs, dans ton camping, Louis, t'es dans quel camping, là, ce soir? Je suis au camping à Nantes. Au camping à Nantes? Ça me donne pas le nom du camping, mais bon. Attends, à Nantes, t'es au bord de la mer ou pas? Oui, c'est juste à côté de la mer. T'as le camping, et juste à côté, t'as la plage et tout, enfin... Ah, venez nous dire. T'es au Croisic, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Je connais pas du tout le point. Ben, c'est même pas où il est, le mec. Parce que Nantes, il y a pas vraiment la mer, quoi. Venez nous dire, en tout cas, si vous avez pécho cet été au camping, comment est-ce que vous avez pécho? Moi, franchement, seul conseil que je peux te donner, Louis, c'est juste de faire la fête, de t'amuser, si t'as des potes et rigole, tout. Rencontrer des filles, fais ton intéressant, et c'est comme ça que ça marche, quoi. Faut que tu sortes du lot, en fait. C'est tout, hein. Et voilà. Et puis, te mets pas la pression. D'accord, Louis? Ouais, je vais essayer. Sinon, ce sera pour les vacances prochaines. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Il y a des années, c'est pas ton année, hein. T'as des boutons sur la gueule, t'as un physique qui est pas très très agréable, et puis t'attends un an, t'as ta puberté qui est passée, puis là tu deviens un beau gosse. Faut prendre soin de toi aussi, mon pote, hein, d'accord? Ouais, ça va venir. Ok, merci beaucoup. Salut Louis. Et c'est pas grave si d'être toujours puceau à 20 ans, il y en a plein. Non, c'est pas grave du tout. Doc, lui, il l'a fait à 40 ans, donc tu vois, tout va bien. Hein. Sophie est avec nous, 23 ans de Ponto Cobo. Bonsoir Sophie. Salut. Bonsoir Karel, bonsoir le Doc, bonsoir. Salut Sophie. Dis donc, t'as une jolie petite voix toi Sophie. Merci. Tu fais quoi dans la vie Sophie? Je suis serveuse. D'accord, tu sers quoi? Je sers à manger et des boissons. D'accord, tu peux me servir un petit cocktail? Mais tout à fait, qu'est-ce que tu veux? On the rocks. Tu appelles pourquoi Sophie? J'appelle parce que j'ai un petit problème, je me pose des questions en fait. Demain, je dois rencontrer j'ai rencontré un copain que je dois voir demain pour concrétiser. En fait, on peut se voir que dehors, donc soit la plage, soit la mer. Ouais. Et je me demande en fait si je peux attraper des bactéries. Parce que tu veux faire l'amour dans la mer. Bah non, tu fais pas ça. Ah ouais, on fait pas, Doc? Non, pas. Bah dans les films, ils le font, Doc. Ouais, mais c'est dans les films, justement. Oh, un peu de sable dans le cul, ça n'a jamais tué personne. Hein. On écoutera Coldplay dans un instant. Le pur remix de Sib avec Him for the Weekend sur Fun Radio. Tout de suite. Suivez-nous sur Facebook. La page Love & Fun. Accrochez-vous! Salut, c'est Bruno. Je reviens le 29 août avec toute l'équipe de Bruno dans la radio sur Fun Radio. Bon, j'ai enlevé les plus nuls. On fait l'appel? Christina, présente. Karina. Mika. Et Anto du JPI. Présent. Brechet, présent, frère. Meryl. Nicolas du Web. On est là. Tonf, je suis là aussi. Salut, c'est Louzman. Elliot. Et ouais, je suis là. Bon. Bah, tout le monde est resté, visiblement. Bruno dans la radio revient pour une nouvelle saison. Encore plus dingue. Ça y est, je suis prêt. Rendez-vous lundi matin, dès 6h sur Fun Radio.

Pur son, pur remix de Sib, de Coldplay, Him for the Weekend sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. In. Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est le Fun sur Fun Radio. Tous les soirs en direct sur Fun Radio et connectés sur tous les réseaux sociaux. On a du Facebook, on a du Twitter, hashtag LoveInFun, du Snapchat, LoveInFun Radio. D'ailleurs, on lit vos messages à l'antenne, c'est parti avec Alice. On a reçu un petit message de Julien qui dit « Trop cool de reprendre nos bonnes habitudes avec vous. Je me posais une question, Doc, t'es avec Katoche depuis combien de temps ?» Ah ça, c'est secret. Bon, oh, allez, Doc. Allez, Doc. Allez, Doc, on se dit tout, putain. Bah oui, dis-nous. Allez, connais. Attends. Bah... Ça... Non mais je sais pourquoi il dit ça, parce que ça se trouve, il a dit à Katoche une certaine date, il était déjà avec une autre meuf et du coup... Ah non, Katoche était quand même au courant de la date. Ouais. Ah non, non, non, non, voilà, non. Voilà, c'est vrai. Tu peux l'appeler. Bon alors, ça fait combien de temps Tu l'avais pas dit à tes enfants, quoi. Au moins 6 mois. Ah, oh. Ah ouais. Mmh. Ah, sans déconner, t'as fait ton petit cachotier, on n'était pas au courant. Au début, tu sais pas. Bien sûr. Un autre message de Laura, je me suis tapé des grosses barres en regardant votre story sur Snapchat. Est-ce que vous allez faire d'autres jeux comme ça? Bien sûr, on fait des jeux de bureau là en ce moment. Ah, c'est vrai, faut pas que la direction débarque à ce moment-là, parce que sinon ils vont dire qu'on branle rien, alors qu'on on vient très tôt à la radio et on prend des petites pauses comme ça. Donc si vous voulez voir ce magnifique jeu de je touche le plafond de Fun Radio. Avec ma tête. Avec ma tête, n'hésitez pas sur le Snapchat. Fun Radio, bien sûr. Et on est avec Sophie qui est avec nous. Sophie, 23 ans de Ponto Combo. Oui. Bonsoir Sophie. Oui, salut. Bonsoir Karel, bonsoir le Doc, bonsoir Alice. Salut, salut Sophie. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir, toi? Alors, moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut attraper des bactéries, des MST, quand on fait l'amour dans le sable ou dans la mer, ce genre de choses? Des IST. Bah, non, sur la plage, tu ne vas pas faire dans le sable direct, à moins une serviette, non, j'espère. Oui. Oui, bah oui, j'espère, oui, je prévois. Bon, donc ça va aller. C'est bon. Après, l'eau de mer, oui, au bord de l'eau de mer, tu peux avoir beaucoup de bactéries. Mais à 10 puissance 11, ça peut être un véritable bouillon de culture. Si à cause de quoi, Doc? À cause de ceux qui se baignent? En partie, oui. De ceux qui font pipi Il paraît que les touristas de bord de mer sont liés en partie à ça, au moins, c'est des bactéries que tu chopes en te baignant, et après, t'as une bonne chiasse. Et puis les cacas qui flottent aussi dans l'eau. Ah oui, donc non, l'eau de mer, peut-être pas, tu vois. Bon, bah ouais, l'eau de mer, peut-être pas du tout. Alors. Tu vas donc, tu vois, derrière un petit rocher, tranquillement planqué. Tout Non, mais attends, on l'a tous fait dans la mer, donc il n'y a pas de problème. Non, non, pas moi. Ah bah, tu l'as pas fait, toi Alice, tu l'as déjà fait dans la mer? J'ai commencé dans la mer, mais j'ai fini dans la piscine. Parce que la mer, c'est quand même pas top, top. Alors, ce qui est bien, la piscine, c'est que quand même, les gens se baignent après, tu vois. Non, pas forcément. Non mais ça se lave trace, après. Bah oui, filtration, tout ça. Oui, filtration, mais pendant le temps de la filtration, il y a quand même du sperme en suspension. Bah non, moi j'avais une copine, alors petite anecdote et tout machin, quand j'avais 16 ans et tout, on voulait faire l'amour dans la piscine, et la nana, elle me disait, non, j'ai peur qu'il y ait de l'eau qui rentre dans mon vagin. Est-ce que c'est oui, vrai ça? Bien sûr, ça peut, bien évidemment. Bah oui, ça arrive. Ah, ça peut remplir son vagin d'eau de piscine. Oui, non, mais pas vraiment. Il faut savoir que le vagin, bon, en excitation, il peut être un peu ouvert, mais enfin, sinon il est fermé, c'est une cavité virtuelle. Il s'ouvre lorsque tu le pénètres. Voilà, c'est ça. Donc ouais. ça ressort de toute façon. Ah, t'emmènes un peu d'eau. Ah bah oui, ça ressort, tu vas pas le revomir. Comment il s'appelle ton copain, Sophie? Ouais, oh, là, on l'entend plus. Ah bah ma chérie, on te fait des gros bisous, j'espère que t'as bien tout entendu. Sophie? Sophie, on te perd. On t'embrasse fort, ma Sophie. À bientôt. Bisous. Bien sûr, bien sûr. Sophie, c'est pas quel opérateur, mais enfin bref. C'est pas grave. On a Timothée qui est avec nous. Timothée, il a 12 ans et il est de Reims. Bonsoir Timothée. Salut Timothée. Salut Karel, salut Doc, salut Alice, salut toute l'équipe. Salut. Ça va, beau gosse? Ouais, ça va. L'été s'est bien passé? Ouais, ça va. T'as croisé des filles? Non. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que t'as fait ton été, toi, Timothée, là, pendant tes vacances? Tu fais quoi? J'ai fait une croisière en Italie. Ouais, avec tes darons? Ouais. Ah, ça devait être un peu chiant, non? T'as quel âge? 12 ans. Bah, normal. Ah, je sais bien. En même temps, voilà, tu voyages et tout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bien. Enfin, d'accord. Je préférais ça autrement, mais bon. Ouais, c'est ça ou les colonies de vacances. Enfin. Ouais. Ouais, c'est pas mal aussi, hein. Et du coup, Timothée, la soirée, tu nous appelles pourquoi? Alors, d'abord, j'avais une question pour toi, Karel. Ouais, bien sûr, ouais. Alors, est-ce que t'as mal à la tête de tout à l'heure? Est-ce que j'ai mal à la tête de tout à l'heure? Sur Snap. Ah, bah c'est pour ça. C'est le jeu de bureau. Parce que j'ai touché la tête avec le plafond. Ah, mais quelle histoire de dingue. Non, ça va, j'ai pas mal à la tête. Il a pu y arriver parce que les plafonds sont quand même très bas. Ah, bah, même pas. Parce que Godefroy, elle n'a pas réussi. 1m93. Et Godefroy, il fait 1m93, il a même pas réussi, quoi. Bah, c'est un échec. Cindy. Oui, oui, Timothée. Cindy, même avec les mains, elle a pas réussi. Non, mais Cindy, c'est pas grave. Elle est quand même très petite et on peut pas tout réussir. Voilà. On peut pas tout avoir dans la voilà, vie. Exactement. Elle a déjà tout. Bon, Timothée, maintenant qu'on a parlé des jeux de bureau, de quoi on parle? Alors, comment enlever les tics? Les tics, tu peux décrire ce que tu as? En fait, avec ma lèvre, j'essaie de toucher mon nez. Avec ta lèvre, toucher ton nez. Oui, bien d'accord. Sûr. Donc, tu le fais combien de fois par jour? C'est très beau. Bah, c'est un tic, hein. Je ne me rends pas compte. T'as commencé quand? À 2 ans, 3 ans? Il y a de l'année dernière? C'est... Non, il y a quelques mois. Quelques mois, d'accord. Toi aussi, t'as un tic, Doc. Tu touches souvent ton pénis pendant l'émission, j'ai remarqué. Non, ça, c'est toi. Tu mets la main. Je te signale que c'est toi, là. Non, moi, je me frotte. C'est pas pareil. Tu te masturbes. Non, je me touche pas. Je me masturbe. L'autre, il est en train de dire que je me masturbe, quoi. Quasiment, oui. On a tous des tocs. Non. Des tics. Toc, tic, c'est pas pareil. Toc et tic, c'est quoi la différence? Tic, c'est mimique. C'est effectivement répété. Ça peut être une petite grimace, l'œil qui cligne, les narines, voilà. Ça, c'est un petit tic. Oui, voilà, c'est un petit tic. Est-ce que ça t'empêche de vivre? Non, mais... Est-ce que quelqu'un te fait remarquer? Bah oui. Bah oui. Voilà. Oh, bah non, c'est moche. Alors, ça disparaît à 80-85%, mais plus à ton âge on fait remarquer qu'il y a un tic, plus le tic se répète, voilà. Donc la solution, Doc, pour enlever ce tic? Moi, je suis déjà ne pas eu pensé, mais c'est pas un toc, c'est pas la même chose, c'est pas un trouble obsessionnel et compulsif, c'est pas exactement la même chose. C'est une façon d'être parce que tu commences à grandir, donc t'as besoin de voilà de te différencier ou d'avoir une petite marque à toi. Mais c'est pas grave. Moi, est-ce que t'es heureux avec tes copains dans ta famille? C'est ça la vraie question. Comment? T'es heureux? Tu es heureux dans ta famille avec tes copains avec tout le monde? Oui. Enfin, ça dérange rien, mais c'est... Non, mais voilà, tu t'amuses, tu vas bien. C'est ça qu'il dit, Doc. Autant. Eh bien, écoute, tout va bien, allez, reste. Bon. Voilà, il dit que c'est pas très grave. Ton tic va partir comme le vent. Ça va partir comme le vent qui souffle. Voilà. Ok. T'es rassuré? Parfaitement. Allez, Timothée, tu reviens quand tu veux. Salut, Timothée. Okay, attends, j'ai une question, Karel. Ouais, je sais, ouais. Est-ce que je peux avoir l'auditeur du soir hors antenne? Bah attends, je te passe à l'antenne. Il est avec nous, c'est Hugo. Hugo. Ouais, salut. Ouais, il y a Timothée qui va te parler là. Ouais. Ok. Est-ce que Hugo, tu viens de Lyon? Ouais, à côté, ouais. Ok. On vous laisse. Pourquoi tu poses cette question? Bah, c'est un ex-ami en fait. Ah, c'est un ancien pote. Pourquoi ancien, ouais. Timothée. Ah, ok. Ouais. Quelle voix. On assiste à un moment incroyable. Bah ouais. La rencontre de deux vieux potes. Pourquoi vous êtes plus potes? Longue histoire. Ouais, c'est bien, ouais. Coup de pute. Encore une meuf. Il a 12 ans. Oui, j'ai 12 ans, il en a 16, hein, quand même. Bon, tu raccroches pas, on va te le repasser sur antenne. Okay, et l'appel à l'aide dans un instant avec Mickaël, 26 ans d'Orléans. Bonsoir Mickaël. Salut Mickaël. Bienvenue à toi Mickaël. L'appel à l'aide, c'est nouveau dans l'émission. Quand rien ne va plus, vous avez besoin d'aide et qu'on vous aide, profitez de Fun Radio, profitez de Love in Fun. Nous, on est là pour vous chaque soir, vous le savez. Pourquoi tu nous appelles ce soir Mickaël? Bah en fait, en gros, ça va faire 5 ans que je suis célibataire et j'arrive pas à draguer en fait, en gros. D'accord, célibataire depuis 5 ans, t'en peux plus. On va te filer des conseils et puis surtout, peut-être que des filles vont appeler pour toi. Tu vas pouvoir te décrire dans un instant. 01 42 48 5000, tu sortiras de cette émission, tu seras marié. Je te le dis. Voici Major Lazer sur Fun Radio Cold Water. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? Take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Justin Bieber, Major Lazer, Cold Water sur Fun Radio. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. On a décidé cette année de vous sortir de la galère, de trouver toutes les solutions possibles et inimaginables à vos soucis. On s'entraide tous ensemble. On profite justement qu'on soit sur Fun Radio avec plein d'auditeurs, d'auditrices qui écoutent. Et voilà, c'est une vraie communauté chaque soir qui va tenter de s'entraider. On va tout faire en tout cas pour aider Mickaël ce soir. Il a 26 ans, il est d'Orléans. Bonsoir Mickaël. Salut Mickaël. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Salut Mickaël, ça t'embête cette histoire. Raconte-nous tout. Ça m'embête beaucoup, mais. Vas-y. On t'explique. En fait, en gros, depuis la séparation avec mon ex, j'ai eu comme un traumatisme en fait. Et puis. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, je l'aimais en fait. J'ai trop con et tout. Donc elle t'a quitté pour quelqu'un d'autre ? Non, c'est inutilement en fait. On s'est quitté inutilement en fait. D'accord, donc c'est une histoire qui s'est arrêtée et t'as du mal à t'en remettre. Et depuis, qu'est-ce qui se passe ? Ben en fait, j'ai eu des relations d'un soir en fait, et puis après, au bout de 2 ans, ça s'est arrêté en fait. D'accord, t'es resté combien de temps avec elle ? 5 mois. Oui, c'est quand même très très short. Et avant, t'avais quoi comme relation ? Juste des fleurs, c'est tout. C'est ça, donc en fait, t'as pas vraiment une relation prolongée, on est d'accord ? 5 mois, ouais. Doc, c'est pas rien, 5 mois. Non, mais ça peut être une éternité, ça peut être une vie. Oui, tout à fait. Sauf que là, c'est pas son problème. Son problème, c'est que lui, il était seul avant, il est seul depuis, il est globalement seul. T'as que des flirts, c'est ça ? Quand j'étais plus jeune, oui, j'ai eu des flirts. Mais après avec mon ex, voilà, en gros, on s'aimait. Et puis, en fait, après que j'ai séparé avec mon ex, j'ai eu des relations d'un soir, c'est tout. Dis-moi, t'es joyeux parfois ou pas ? Ouais, je suis quelqu'un de très rigolo. Attends, Doc, c'est pas facile d'être à l'antenne. Tout le monde pense que on peut être à l'aise comme Doc derrière un micro comme ça. Non, mais je dis ça pour lui parce qu'il faut commencer par le début. Mickaël, tu vois beaucoup de gens, tu sors, tu te balades. Oui, je vais en boîte et tout, donc il y a pas de souci. Non, mais c'est juste que ça fait 5 ans que voilà, t'es célibataire, tu cherches quelqu'un. Ouais, qu'est-ce que tu veux exactement? Bah, en fait, une relation sérieuse, en fait. Ah, sérieuse. Voilà. J'ai envie de me poser, toi. Donc, c'est déjà une exigence plus. Tu veux pas un coup d'un soir, quoi? Ah, c'est un peu quand même. Comment? Un peu quand même. Ah, bah oui. Ah, ouais, faut savoir, quoi. Je suis entre les deux, en fait. Il sait pas ce qu'il veut, en fait. En gros, je suis entre les deux, en fait. Il prend ce qu'il vient, quoi. Ah, attends, là, tu fais le gros mec qui en peut plus, qui a absolument envie de faire un truc avec une nana. Non, et Mickaël, faut savoir ce que tu veux. Tu veux tomber amoureux, c'est ça? Ouais, un peu, ouais. D'accord. Tu cherches un pas peu. À faire l'amour à tout prix, quoi. Non. C'est pas ton objectif, sinon il y a la branlette, hein. Ouais, je sais. Ok. Alors, Mickaël, pour t'aider, je pense qu'il y a pas mal d'auditrices qui nous écoutent du côté d'Orléans. Peut-être que tu pourrais te décrire un petit peu et donner envie aux auditrices, là, peut-être, de t'appeler, de prendre contact avec toi ce soir. Ok, bah je m'appelle Mickaël, j'ai 26 ans, je suis brun de vert et je mesure 1m80. Tu fais quoi dans la vie ? Les soucis de santé. Les gros soucis de santé, donc. On peut peut-être commencer par ça, c'est quoi ? Problème psychologique. D'accord. Qu'est-ce que tu as comme problème psychologique ? Schizophrénie, tout ça. D'accord. Donc, tu es suivi par un psychiatre ? Ah ouais, il fallait peut-être nous en parler, ouais. Oui, mais c'est pas grave, il le dit quand il veut. Ah oui, mais ça. Ouais, c'est un bizarre psychiatre et tout. On d'accord, a donc aidé, voilà. Donc là, t'es équilibré, ça va bien ? Tu te sens comment ? Ouais, je me sens bien dans la peau, je suis bien, je suis voilà, tranquille. Ça, tu m'as toujours pas dit ce que tu faisais dans la vie. Est-ce que tu as un métier ou est-ce que tu ne peux pas ? J'ai jamais travaillé de ma vie, en fait. D'accord. Jamais. Est-ce que t'as pas envie d'apprendre quelque chose ou tu peux pas ? Je suis dans un lieu de soins, en fait, pour un handicapé, en fait. Et d'accord. Donc, voilà. Donc okay. c'est pas facile pour toi, on le comprend non, très bien. Quand je raconte aux filles, ça leur fait chier, vous voyez, donc. Ça leur fait peur. Je vais quand même dire les choses, parce que pour l'aider un petit peu et puis pour que les gens comprennent. Ouais. Il y a peut-être plus de schizophrènes et on les voit pas forcément. L'important, c'est qu'ils soient traités tôt. Tu as été traité tôt pour ta maladie ? Oui, depuis l'âge de 16 ans. Voilà, donc ça c'est très important parce qu'on arrive à les équilibrer. Il s'exprime bien, Mickaël. Carrément. Bon, ça c'est la première étape. C'est important pour toutes les auditrices qui écoutent parce que c'est vrai que quand tu donnes ce diagnostic-là, je pense que tout de suite les gens voient le pire. Et puis ça soulève aussi un problème, c'est que je pense que pour certaines personnes, et notamment des personnes qui sont handicapées, c'est plus compliqué peut-être d'avoir des relations avec des filles, et parce que ça peut faire peur, comme tu disais, Mickaël. Ouais, ça fait fuir, et donc... Je comprends très bien. Mais bon, d'accord, mais ça n'empêche pas. T'es dans un lieu protégé, ok. Mais t'as pas d'activité du tout. Tu n'y arrives pas. En général. Non, je n'ai pas d'activité. Mais t'as pas envie de faire quelque chose ou tu n'y arrives pas? T'as le droit. Non, j'ai pas envie de faire quelque chose. Je suis sur des comptes de banque. Je suis prêt que mon chien, que mes parents. J'arrive à rien faire. On a Christelle qui nous appelle, qui veut te parler. Christelle, elle a 25 ans, elle est de Paris. Elle t'écoutait. Bonsoir Christelle. Salut Karel, salut tout le monde. Salut Christelle, bienvenue dans Love in Fun. Je te présente Mickaël. Bonsoir. On vous laisse tous les deux. Ben voilà, c'est Christelle, je viens de Paris. Bon bah, je vois que t'es d'Orléans apparemment. Donc ça va être un petit peu compliqué pour nous, mais bon, j'ai écouté ta description et tu m'as l'air charmant. Je comprends pas pourquoi t'es célibataire depuis tant de temps en fait. Bah ouais, j'ai pas eu vraiment de grand amour en fait. Donc tu vois, donc voilà. Je pense que c'est pas un manque de confiance en toi au fond, au final. Un petit peu, ouais. Ouais, t'as peur d'aller vers les filles. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit feeling qui passe. Ouais. Pas d'érection, Mickaël. Il a dit quoi? Il a dit un peu? Il y a un petit peu. Oh non. Mickaël, d'accord, ouais. Ça l'a fait rire. T'as déjà gagné, ça l'a fait rire. T'imagines, Christelle, tu as fait bander Mickaël en un éclair. Christelle, juste pour aider Mickaël. Christelle, t'as écouté l'histoire de Mickaël complètement? T'as tout entendu de ce qu'il a dit? Ouais, complètement. J'ai tout entendu. T'en penses quoi? C'est important. De Mickaël, comme quoi il était célibataire et qu'il avait quelques petits problèmes avec les filles, et notamment aussi du point de vue psychologique. D'accord. Donc ça te fait pas peur? Non, pas très bien. Non, mais c'est important. Ça se voit pas au premier abord. Il s'est contrôlé. Il est traité, voilà. Tu es traité, voilà, Mickaël. C'est important. On m'a beaucoup aidé dans ma vie, franchement. Je remercie surtout mes parents et puis tout. Eh ben, c'est nous qui te remercions de nous avoir appelé, de nous faire confiance ce soir, Mickaël. Tu vas pas raccrocher. Pas le nord, là, hein. Christelle, si t'es d'accord, on va te passer un petit peu Mickaël en antenne. T'es adorable. Okay. On te fait des gros bisous, Christelle, d'accord? Salut, Christelle. Salut, ma Christelle. Et François est avec nous, 15 ans de Bayonne. Salut, François. Salut, François. Salut, Karel. Salut, Alice. Salut. Bonsoir, François. Tu voulais poser une petite question, toi, c'est ça? Non, ouais. En fait, vu que j'ai l'habitude de regarder des films pornographiques. Ah oui, d'accord. Et du coup, je regarde dans les catégories professionnelles. Dans les catégories professionnelles sur les sites, ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est pour savoir pourquoi les filles ne jouissent pas, en fait, pendant la fellation. Pourquoi les filles ne jouissent pas pendant la fellation? C'est pas facile à dire, jouissent. Ah, hein. Tu veux dire, ils n'ont pas d'orgasme quand elles font une fellation? Voilà, on va en parler dans un instant. Oui. On va tout t'expliquer, mais voici Sigala et Give Me Your Love. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. Oh, searching around. I can't do this anymore. So give me your love. Il est anglais, c'était Sigala, Give Me Your Love sur Fun Radio. 20h, 22h. 0,42,48,5. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et avec Hugo, notre auditeur du soir dans Love in Fun. T'es là, Hugo? Ouais, je suis là. Hugo qui fait de la radio avec nous là pendant les deux heures. Hugo, comment on fait pour nous appeler? 0,42,48,5000, Love in Fun, Karel, le Doc et Alice. D'accord, et sinon je me souviens plus, comment est-ce qu'on fait pour nous regarder en streaming sur, je crois, le site, c'est ça, non? Ouais, très simplement, funradio.fr. D'accord, ok, et si on veut se connecter sur notre Snapchat, du coup, on ajoute quoi sur Snap? Et bah, Love in Fun. Non. Oh, ça va, le mec. Ah, ça oui, mais, voilà, 2 sur 3, c'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal. Love in Fun Radio. Tu vas accueillir François? Tu l'accueilles? Ouais, pas de souci. Eh bah, vas-y, accueille-le. Ok, on est en direct sur Love in Fun avec Karel, le Doc et Alice. Et tout de suite, il y a François qui est avec nous. Salut François. Salut. Ça va, Hugo? Salut. T'as quel âge? Salut à toi, François. J'ai 15 ans et j'habite à Bayonne. D'accord, et t'as un téléphone pourri. Mais c'est pas grave, on aime tous les téléphones ici. J'ai un iPhone et évidemment, il y a du vent. D'accord. Non, ça, c'est donc l'opérateur qui est mauvais. Ah oui, parce que c'est marrant, c'est un téléphone qui te donne une voix nasale. Oui, on dirait que t'es un petit peu enrhumé. Ah oui, je suis enrhumé. Ah oui, je comprends mieux maintenant, c'est logique. T'appelles pourquoi, François? Mais en fait, j'ai l'habitude de regarder des films pornographiques. À quelle fréquence? Ah ben sur Tukif. Non, donne pas les sites, c'est pas la peine, on les connaît déjà. Hein, et il y va tous les jours. C'est pas des, pas sur celui-là. C'est, il y a mieux. C'est, oui, c'est y a mieux. Tu regardes pas des films, tu regardes des petites vidéos en fait. Oui. D'accord. Ah, c'est et des films vidéo quoi. C'est quoi ta catégorie Moi c'est professionnel. Professionnel. Ah. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Doc, il va sur la rubrique Katoche. Mais non, mais moi, j'ai pas besoin de ça, surtout. Et Cassim, j'ai vu la vidéo où il était en train de se mater un film porno aussi. Alors, ça, c'est encore sur le Snapchat de Love in Fun. Il se passe plein de choses, effectivement, à un moment donné. Ah non, sur le Facebook Live. Ouais, pire encore. Voilà. Qu'est-ce qui te préoccupe dans les films porno? Ça fait se casser la gueule. Ouais, qu'est-ce qui te préoccupe dans les films porno? Mais en fait, quand il y a des filles qui ne jouissent pas, des fois, pendant la pénétration. Mais c'est normal. Attends. C'est un peu comme les prostituées, si tu veux. C'est un peu la même chose. Le but, c'est pas de jouer, c'est de faire semblant. Et de donner l'impression que l'orgasme ou le plaisir est très intense alors qu'il n'y a rien du tout. Voilà, tu dis être toi-même, ce sont les professionnels. Il faut simplement qu'elles excitent celui qui regarde. Toi, par exemple. C'est tout. Et quand elles gueulent, qu'elles crient et qu'elles font des tas de mouvements, elles se disent, ah, quel pied elle prend. Elle prend pas de pied du tout. Ah, toi, tu fais comme ça quand tu jouis, tu fais, ah, quel pied. Non, mais je trouve ça dommage d'apprendre la sexualité via la pornographie, c'est tout. Parce que ce n'est absolument pas la réalité. Et en plus, les acteurs sont objectisés, je le répéterai toujours. Je suis désolé de le dire. Qui regarde des vidéos comme ça dans l'équipe? Non, parce que, bon, Doc, il regarde pas, mais Alice, oui. Alice, ça t'est déjà arrivé, toi? Bah alors, pas du tout. Ah non, tu regardes pas? Ah non, c'est pas du tout mon délire. Ah, moi non plus, jamais. Ouais, c'est ça. Non, mais et toi, Cassim? Ouais, ça me donne de l'inspiration. Je voyais un petit truc et je dis putain, je vais le faire et tout. Et après, franchement, c'est stylé. Ah, après, c'est surtout. Limite, tu te filmes et après. Vu que je suis un peu beau gosse, je me regarde en train de baiser et ça m'excite encore plus. Ouais. Tu dis ça fait pas pareil que sur la vidéo. En fait, c'est surtout pas. Il faut surtout pas reproduire ce que tu vois dans les vidéos. C'est Doc le réalisateur. Et c'était bien, tu refais la Doc même. Doc Production présente Katoche, Karel. Ah ouais, putain. C'est pas notre genre. Il y a un truc du à tout. Faire, là. Godefroy à l'aria, t'as l'air assez sérieux. Toi, tu battes un petit peu ou pas? Ça m'est arrivé. Oh, genre, lui, c'est branlé tout le matin. Il va faire le mec avant d'être en couple. Non, mais ça t'est arrivé. Genre, tu vas. Ouais, il y a eu des jours où c'était 6 fois par jour, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, oui. Bon. Ah, oui. Ça veut dire 6 branlettes par jour. En Pullman. C'était il y a combien de temps? C'était il y a plus de 2 ans. D'accord. La plupart du temps, les mecs jeunes font ça pour se masturber, hein, faut pas oublier. Ouais, bah, bien sûr. Bah bien oui. Sûr. Bah, attends. Et comment on faisait à ton époque, Doc? Non, mais attends, à mon époque, mais. Les marionnettes? Il y a deux façons de faire bonjour, fonctionner tu veux niquer sa libido. Ça s'appelle les fantasmes et l'imagination. Non mais ça, il n'y avait pas la télé. En noir et blanc. Non, pas du tout, mais vous êtes... Attendez, l'esprit humain fonctionne et capable de... Vous avez les godes en bois. Non mais c'est ça. Non mais c'est surtout que... On a une ère où on est persuadé qu'il faut des films porno pour avoir du plaisir. C'est fou, quand même. C'est dans la tête, c'est vrai. Bien sûr. Bien sûr, et moi je t'invite de temps en temps, François, à le faire sans vidéo, hein, parce que comme ça, et tu verras que ça durera plus longtemps. Non. non. Bah si. Si, parce que l'avantage de la masturbation, c'est tout de même effectivement d'éprouver du plaisir, ne pas rechercher l'orgasme. Quand tu recherches l'orgasme, forcément, le jour où tu as des relations sexuelles, c'est un peu embêtant. Et n'oublie pas que dans la catégorie professionnelle, tu trouveras toujours du gros fake. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux aller du côté de l'amateur. Salut amateur. François. Et même. Vas-y, on t'écoute, ouais. Alors, dédicace à ma chérie, et à mon pote, et à ma famille. Salut François, merci et beaucoup. Et j'ai beaucoup d'avoir un pack fun. Ouais, tu raccroches pas. Tu raccroches pas. Ouais. François, c'est un exemple typique. François, il serait passé sur aucune autre radio. Il peut passer chez nous, même avec un téléphone de merde. Ici, on prend tout le monde a droit à la parole, même quand on n'a pas d'argent et qu'on a un téléphone pourri. 01 42 48 5000. Hugo, l'autre auditeur du soir. Tu sais de quoi on va parler dans un instant, Hugo ? Eh ben non. Eh ben des phobies, mon pote. Je sais pas si t'en as. On a tous des phobies. Alice, de quoi il s'agit ? Eh ben écoute, on a reçu un message de Maëva qui nous dit j'ai la phobie des fruits. Tout le monde se fout de ma gueule, mais c'est une vraie maladie. Ah bah Kassim, je t'en prie. Et elle dit du coup, je me demandais si vous aviez aussi des phobies un peu chelous. On peut avoir une petite phobie de carottes, de bananes. Bah ça existe. On va en parler dans un instant. Les phobies les plus dingues et Jennifer Lopez avec Ain't Your Mama tout de suite sur Fun Radio. C'est Love and Fun. Partez faire la fête pour l'événement électro de la rentrée. Inox. L'Inox Park avec Fun Radio. Inox, put your hands up. Hey. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Don Diablo, mixé à Niels Van Zandt. It's Niels Van Zandt on Fun Radio. Fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos invitations avec transport et hébergement à l'Inox Park. Le 3 septembre. Sur l'île des impressionnistes de Chatou. Avec en DJ set. Nervo. Don Diablo. Niels Van Zandt. Chucky. Toujamo. Et bien d'autres. Prêt pour le grand voyage ? C'est le double fun sur Fun Radio. Le son dance floor. 3228. Service payant. 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. C.E.A. Soigner son look pour la rentrée avec la collection enfant C.E.A, c'est adorable. Et soigner aussi son budget avec 3 articles enfants C.E.A pour le prix de 2, c'est à craquer. 3 articles enfants pour le prix de 2, c'est à saisir dans votre magasin C.E.A. C.E.A. Sur une sélection de produits dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en magasin. Salut, c'est Greg. Je vous passe tous vos tubes et toutes vos stars préférées sur Fun Radio. Et vous savez quoi ? La vraie star de l'été, c'est Sam. Oui, Sam, celui qui conduit, donc celui qui ne boit pas. Avec Sam, vous êtes sûr de rentrer de soirée en toute sécurité. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Fun Radio ouvre sa boutique officielle. All we need to start is le shop. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir en exclusivité la collection complète de t-shirts, sweatshirts, mugs, coques et autres accessoires aux couleurs de Fun Radio. Fun. Ah mais c'est énorme. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Alors passez en mode fun maintenant. Maintenant sur funradio.fr/shop. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts, mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, oh baby. arrêter là mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur tu n'auras plus à courir, car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Et je suis prêt à prendre le risque, tant notre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. Allez, dan, dan, dan, dan, dan, dan, ma ton cœur, dan, dan, dan, dan, dan. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Love in Fun, c'est tous les soirs sur Fun Radio. Si vous venez de débarquer, vous êtes tous les bienvenus. Vous écoutez, voilà, Love in Fun sur les smartphones, sur les tablettes, sur le site de Fun aussi, funradio.fr sur internet, à la radio. Il y en a encore qui écoutent la radio, bien sûr. Et je pense à tous ceux qui sont sur les routes, là, en ce moment, en train de nous écouter. Bon courage à vous. Merci en tout cas d'être avec nous chaque soir sur Fun Radio. De plus en plus nombreux en plus, hein, ça fait vraiment plaisir. On parle de tout dans Love in Fun. Venez hein, vous exprimer ici chaque soir. 01 42 48 5000. Il n'y a pas de sujet tabou. Hein. On peut librement échanger sur tout. Et on a Hugo, notre auditeur du sort, qui fait de la radio là avec nous. Tu sais de quoi on parle là maintenant, Hugo ? Bah oui, des phobies, attends. Des phobies. C'est Alice qui a reçu un petit message en fait. Exactement, un message de Maëva qui est un peu dans la galère parce qu'elle a la phobie des fruits. Mais sauf que personne ne la prend au sérieux. Tout le monde se fout de sa gueule. Et elle dit que voilà, c'est une vraie maladie. Bah arrête, hein. Non mais c'est et ouf. Et du coup, voilà, elle se demande s'il n'y a pas d'autres phobies un peu chelou. Ah, oui, il y a des degrés dans les phobies. C'est ça. Il y a la phobie. Oh, c'est quoi une phobie déjà pour commencer, Doc ? Une phobie, c'est effectivement une peur irraisonnée face à quelque chose, une situation, un objet, une personne, un animal, tout ce qu'on veut. Une personne ? On peut être phobique de quelqu'un ? Oui. D'un clown ? Par rapport à de la hauteur, ouais, des espaces libres, par des chats, des vers, tout ce que tu veux. De rester célibataire aussi, ça... On peut avoir phobique de rester célibataire. Disons, quand c'est de l'ordre de la crainte, bon, voilà, on est un peu... On arrive à vivre, et c'est pas psychiatrique. En revanche, quand ça déclenche des réactions irraisonnées qu'on ne peut pas vivre, parce que si on a peur, par exemple, des chats, il y a des gens qui vont hurler, partir. Bon, forcément, partout où il y a des chats, ça pose des problèmes. Aïe. Mais là, on rentre plus dans la psychiatrie. Et là, il faut effectivement être suivi par un bon psychiatre, faire une thérapie comportementale et cognitive, par exemple, qui permet de se libérer de ce poids. C'est ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Si t'as peur de la foule, si t'as peur de la circulation, tu peux agoraphobe, pas vivre. Agoraphobe, c'est ça la foule. Tout hein. à fait, oui. Ouais, mais peur des fruits, Doc. Bah, ça peut toute peur. Pourquoi tu as peur des fruits d'abord ? Non, elle n'est pas là. Non, c'est un message. Ouais. Oui, ça dépend ce que ça déclenche. Peut-être qu'elle n'aime pas les fruits, qu'elle voit un fruit, elle dit bah, j'ai pas envie. Ouais. Et puis après, si effectivement elle voit dans une maison, dans la salle à manger des fruits, qu'elle court en hurlant et qu'elle sort de la maison, oui, là, il y a un problème. Ouais, et là, il faut aller consulter Cassim à l'arrière. Oui, j'avais une question par rapport aux fruits à te poser, Doc. Si elle a vraiment peur, si elle a des tocs, est-ce qu'elle peut tomber dans les pommes ? Ok. On va accueillir Damien. Il est fatigant. Damien, ne lève plus la main, Cassim. C'est pas la peine. Cassim me disait il y a quelques minutes je vais parler plus. Non. Damien. Damien, t'es en Bretagne, t'es à Rennes, toi. Salut. Damien. Salut, Doc. Salut, Alice. On parle des phobies avec toi, mon Damien. Est-ce que toi, t'as une peur comme ça, un peu voilà, irraisonnée ? Ça va peut-être répondre à Cassim. Moi, j'ai la phobie de tout ce qui touche aux yeux. Rien que déjà d'en parler, j'ai déjà quelques tremblements. En fait, voilà, j'ai mon ex-copine qui, elle, voilà, elle prenait un malin plaisir à prendre du mascara et se mettre sur les cils. Et en fait, elle s'amusait à faire ça devant moi et souvent bah, je tombais dans les pommes de peur en fait. Dès qu'on touche les yeux, t'as peur voilà, quoi. T'as peur que l'œil s'abîme, qu'il s'en aille, qu'il je se crève. Pas, j'ai peur qu'on crève l'œil. Que oui, c'est ça. Ouais. Et je suis allé voir Saw la première fois au cinéma. J'étais avec des collègues et puis à la fin du film, ça va Damien, ça t'a plu? Non, ils m'ont secoué parce que je m'étais évanoui dans le cinéma à cause de la clé derrière l'œil. Ah oui, voilà, c'est vrai, il y a une clé cachée derrière l'œil qui doit aller. C'est d'horreur. Je t'invite à mater Kill Bill. Il faut quand même expliquer que lui vit cela en même temps. C'est complètement irraisonné parce qu'il n'y a pas de réel danger, mis à part un accident possible qui est gravissime. Donc, est-ce que tu veux te débarrasser de ça ou pas? Lunettes de soleil. J'aimerais bien parce que c'est vrai que c'est traumatisant. Mais il faut aller voir. Faut avoir un pote qui a un problème à l'œil ou autre machin. Je fuis quoi. Je mets mon doigt dans l'œil. C'est probablement. Ça peut être. Tant que c'est dit, je m'en fous. C'est pas un problème. Okay. Le voir. Ça peut être déclenché dans l'enfance où t'as ressenti autour de l'œil une peur. Ah non, mais je fais des bons. Oui, tout à fait. J'ai bien compris. C'est un mécanisme inconscient qui s'est mis en place et à partir de là, il faut en sortir. Une possibilité de traitement, faut que tu le saches quand même, parce que ceux qui vivent des phobies comme ça, à partir du moment où ça touche à la vie quotidienne et que ça peut se répéter tous les jours, ça va poser un problème. Faut pas rester comme ça. Chloé est avec nous aussi, veut réagir. 18 ans de serre, on parle des phobies. Chloé, t'as peur de quoi toi? Salut Karel, salut Doc, salut. Salut Chloé. Alors moi j'ai la phobie des singes. Alors en France, oui, c'est pas grand chose. Hein. C'est vrai que ça ne court pas les rues. Enfin, je trouve qu'il y a quand même des mecs qui ressemblent à des singes. Ça, c'est pas faux, Doc. Des noms maintenant. Allez, on y va. Cassim. À moins d'aller, c'est un ours, Cassim. À moins d'aller dans un zoo, tout va bien, Chloé. Alors, comment? Oui. Ouais, c'est juste que quand je vois un singe à la télé, je me mets à flipper. Je gueule bêtement. C'est ouf. Ah, c'est dur, là. Voilà. Genre comme. Ouais, quand... Je peux pas m'en empêcher, ça. Voilà. Mais est-ce que tu as déjà essayé de te maîtriser parce que justement c'était à la télé? C'est ça les thérapies comportementales et cognitives. C'est-à-dire qu'on t'aide par le biais c'est des entretiens, ça dure une demi-heure, et on t'aide finalement à commencer à avoir de moins en moins peur, commencer à affronter cette peur. Voilà, c'est ça l'idée. Genre on te montre des singes à la télé, ensuite. En parlant. Ouais, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on progresse en fait. Oui, on peut sortir bien sûr, évidemment. Une phobie, tu vois Chloé, hein, on peut s'en sortir. Hein. C'est pareil pour Damien. On a Tay qui est avec nous, c'est ça Tay? Oui, c'est ça. Salut Tay. Bonjour Doc, bonjour toute l'équipe. Salut. T'as 13 ans et t'es de Roubaix. Oui, c'est ça. Tu as peur de quoi toi? Du feu. Ah. Oui, ah ouais mais je peux te dire que tout le monde a peur. Mais genre d'un briquet? Non. De quelle manière? Genre pas peur. D'une ridicule allumette, j'ai peur. Non mais qu'est-ce qui se passe? C'est en fait, dès que je vois du feu, ou que j'en approche, ou qu'on en met devant moi, je suis prise de panique. Et tu cours, tu fuis, tu fais quoi? Je recule, le plus loin possible. Alors qu'il n'y a aucun danger, on est d'accord? Oui. Ok. Mais t'as jamais réussi à rester devant le feu, même par exemple à 4 mètres, 5 mètres? Si, quand même. Bon, voilà. Comment tu fais quand c'est ton anniversaire, quand il y a la bougie à souffler? Si tu demandes à quelqu'un de le faire. Ah, tu peux même pas faire ton vœu? C'est horrible, Doc. Faut l'aider. Je pense que ce que j'ai dit est toujours bon, on va pas le répéter toujours, mais il faut se faire suivre. Il y a des degrés, hein. Quand c'est une simple peur, c'est pas dramatique. Alors justement, Alice a le top 5 des phobies les plus folles. Exactement. Alors c'est parti pour le top 5. Je garantis pas l'exactitude. Numéro 5. Alors, papétolétophobie, c'est la peur du papier toilette. Oh putain. Des phobies un peu cheloues que j'ai trouvées. Numéro 4. Médortophobie, c'est la peur de voir des pénis en érection. Oh putain. Mon Dieu. Numéro 3. Cubiculacétophobie, c'est la peur des lézards tombant sur le lit. C'est hyper précis quand même. Et c'est très fréquent. 2. Je vais peut-être en avoir 6 finalement. On peut faire 2-2. Numéro 2-2. Butyrophobie, la peur du beurre. La peur du beurre? Mais c'est quoi ça? C'est butyrique, quoi. Numéro 2. Alectorophobie, c'est la peur du poulet. Et numéro 1. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. C'est l'aérocolophobie, c'est la peur de péter. Évidemment. La peur de péter, mais quand même. Il y en a qui n'ont absolument pas peur. Ah bah oui. En tout cas, c'est emprunté au grec, c'est marrant, parce que tous ces mots sont empruntés aux langues mortes. L'arachnophobie aussi, quand t'as peur des araignées. Ça, c'est plus courant. C'est assez classique. Surtout la phobophobie. La peur de la phobie. La peur d'avoir peur. Voilà. La ouais. peur de la... Bah, putain. La peur de la peur. Et sans déconner, Hugo, notre auditeur du soir, on n'apprend pas plein de trucs dans cette émission. Ouais, de ouf. C'est ce que j'allais dire, tiens. On en ressort moins con, hein. Ouais, tu m'étonnes. Tu restes avec nous, Hugo, bien sûr, notre auditeur du soir, Damien, Chloé, Tay. Vous bougez pas aussi, on va vous régaler. Et puis le défi, fallait pas demander. Dans quelques instants, ce sera Jason. Jason, 12 ans de Pamiers. T'es là, Jason? Ouais. Salut. Salut, Doc. Salut, Karel. Salut, Alice. Ça va, champion? Ça va et vous? Eh ben, en pleine forme. Ah, grâce à toi, ce soir, on va vivre un grand moment puisque tu vas faire le défi, fallait pas demander. Tu vas appeler qui? Je vais appeler mon père. Et tu vas lui demander quoi? Je vais lui demander s'il peut acheter une caméra pour me filmer en train de faire l'amour à ma copine. Et je rappelle qu'il a 12 ans. Okay. Et qu'on va vivre un grand moment. Vous bougez pas, hein, vraiment. Et voici Jennifer Lopez sur Fun Radio. When you gon' get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Jennifer Lopez sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Levin Fun. Sur Fun Radio. Ce soir, dans Levin Fun, on fait le défi Fallait pas demander. Ce soir, on va accueillir Jason. Il a 12 ans de Pamiers. Salut Jason. Salut. Salut Doc. Salut Karel. Salut Ali. Salut. Salut. Salut. Salut Jason. Est-ce que t'es content d'être avec nous? Ah ouais, là c'est mes plus grands rêves en plus et tout. On réalise ton rêve ce soir, Jason. Oh, ouais. Ah, il va falloir que tu sois bon. Hein. Défi, fallait pas demander. Il y a des enceintes pour smartphone Philips à gagner là en plus. Alors, il va falloir que tu poses une question que jamais de toute ta vie entière t'aurais osé poser. Tu vas appeler qui? Je vais appeler mon père. Et qu'est-ce que tu vas lui demander à ton papa? Je vais lui demander s'il peut m'acheter une caméra pour que je puisse me filmer en train de faire l'amour à ma copine. Oh là là. Ah bon? Ah oui, ça commence tôt, Doc, maintenant, à 12 ans. Hein. Mais attends, entre nous, on va pas le dire à ton père, t'as vraiment une copine ou pas? Ouais, j'ai vraiment une copine. Mais t'as jamais fait l'amour à 12 ans, Jason? Non, quand même pas. Ah bah non, bien sûr. Non, mais c'est juste pour l'énerver. Si t'arrives à énerver ton père, tu repars avec ton cadeau. T'es prêt, Jason? Ouais, je suis prêt. Show must go on, Jason. C'est parti. Fais tout péter sur Fun. Papa, est-ce que tu peux m'acheter une caméra pour que je me filme en train de faire l'amour avec ma copine? Il va être dingue. Ouais, allô? Ouais, papa? Ouais. Ouais, c'est pour savoir si tu peux te poser une question un peu bizarre. Un peu bizarre, ouais. C'est pour te demander si tu pouvais m'acheter une caméra pour que je me filme en train de faire l'amour avec ma copine. De quoi? Si tu pouvais m'acheter une caméra pour que je puisse me filmer en train de faire l'amour à ma copine. Mais t'as pété les plombs, mignon. T'es fou, quoi. Non. Bah attends, garçon, oh, t'as 12 ans, là, mignon. Mais t'as pété les plombs, quoi. Est-ce que tu connais une position qui passe bien à la caméra? Normalement, là, dans 20 minutes, t'es à la maison. Là. Donc on va en discuter de tout ça, là, parce que... Il est d'accord, ton père. Ouais. Il est d'accord ou pas, ton père? C'est mon pote, papa. C'est ton pote. Vas-y, passe. En plus, je te permets d'aller chez ton pote et il parle derrière moi. Et alors, écoute-moi bien, parce que la prochaine fois que je le vois venir, celui-là, vas-y, passe-moi ton père. Allô? Ouais. Ouais, salut. C'est toi le padré? Ouais, c'est moi le padré. Ouais, tu m'as déjà vu en plus. Donc, c'est moi le padré. Ouais. Je me souviens de toi. Écoute-moi bien, mignon. Ouais. La prochaine fois que tu viens là, dans la piscine. Ta gueule. M'appelle pas mignon, je suis pas ton fils. Est-ce que t'es prêt à lâcher du fric, de la thune pour la vidéo, là? Lâcher du fric, de la thune pour la vidéo, mais... Non, parce que, avec Jason, on veut devenir des réalisateurs de films porno. Les mignons, arrêtez, vous avez un truc de 10 cm, vous allez faire quoi? Des films pour enfants? Calmez-vous, hein. C'est toi, la petite bite? Là, ça commence à me fatiguer, ça commence à me fatiguer. Je te repasse ton fils. Ouais, repasse pas mon fils, là. Ouais. Ouais, allô? Ouais, je te sens un peu moins vigoureux, là, déjà. Donc, déjà, tu vas vite rentrer à la maison. Et puis, on va en discuter sérieusement. Je t'attends avec impatience. Patrice? Là. Ouais. La violence ne résout rien, Patrice. Non, mais la violence ne résout rien. Mais une bonne claque sur le cul ou dans la gueule, c'est toujours plaisir. Je voulais te dire un truc important. Ouais. Je voulais te dire que... Exprime-toi vite, hein, parce que là, je commence à chauffer, là. Je voulais te dire que je m'excuse pour tout ce que je t'ai dit. Sauf quand j'ai dit que t'avais une petite bite. Alors, et là, j'allais te dire, je te remercie, mais là, en fait, je te remercie pas, là. Donc, tu me remercies à moitié? Ouais, c'est ça, ouais, je te remercie à moitié, ouais. Mais t'inquiète pas, je vais venir te voir, je te connais, hein, puisque si t'es le pote de mon fils qui vient tout le temps, normalement, je te connais, je t'ai déjà vu, et tes parents, je les connais. Donc, normalement, ça va bien se passer. Allô? Allô? Oui, c'est qui, oui, là? Je suis le papa. Vous êtes le papa, et vous avez entendu tout ça, là? Oui, absolument, et je l'encourage. Bravo, mon fils. Non, parce que c'est vrai, tout le monde le dit dans le quartier, vous avez une petite bite. Alors, écoute-moi bien, mignon. Alors là, là, ça commence à chauffer dur, là. Écoute-moi, toi, je vais te mettre ta tête dans ton cul. T'as compris, ça? Bouge pas, j'arrive. Bouge pas. Je raccroche, j'arrive. Attends, mais dépêche-toi de venir, parce que je t'attends, moi. Eh bien, j'arrive. Patrice? Oui? Patrice, calmez-vous, vous êtes en direct sur Fun Radio dans toute la France, Patrice. Ah oui. Vous êtes en direct sur Fun Radio avec Doc, avec Ali, je m'appelle Karel. Salut. Bonsoir, Patrice. Ok, ouais. Ça va mieux? Ouais, ça va. Alors, celui ouais, qui ça va, est... ouais, ça va mieux, ouais. Celui qui vous a traité non, parce de... Parce que là, normalement, là, le type, là, il allait prendre... Ah bah oui, il s'appelle Karel, en fait. Ouais. Il sort de Fun Radio à 22h ce soir, rue Bayard. Ah ouais. Patrice. Ah, je suis un peu loin. C'est pour ça qu'il fait le malin. C'est Jason qui voulait taper un délire à la radio, sur Fun Radio, qui voulait faire le défi Fallait pas demander pour repartir avec un beau cadeau. D'ailleurs, on va te l'envoyer, tes enceintes, la Philips, là, sur smartphone. Bravo, Jason, hein. T'étais un petit peu timide à un moment donné, hein. Il avait peur, hein. Je comprenais pas, là, parce que je sentais, il parlait pas et il me posait des questions de merde en plus. Enfin, ça, pour un parent, hein, c'est des questions de merde. Ah oui, c'est... Non, je comprenais pas, là. C'est poser des questions que normalement on n'oserait pas poser. Patrice, merci beaucoup en tout cas, vous êtes super sympa. Ouais. On vous fait un gros bisou, Patrice. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bisous à Fun Radio. Et bisous, Jason. Salut à toi. Tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées au standard. Salut, salut. Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Alors on remet ça bien sûr hein, tous les soirs. Le défi fallait pas demander pour vous inscrire 01 42 48 5000 hein, au fil du beau cadeau en plus hein, tous les soirs dans Love in Fun. On est avec David là maintenant. David, 18 ans de Roubaix. Salut David. Salut Gareth, salut Doc, salut Alice, salut, ça va David. Salut. Bienvenue à toi David. Tu nous appelles pourquoi? Je vous appelle parce qu'il s'est passé une histoire. En gros, mon ex-copine est partie avec mon cousin. D'accord. Ah oui. Et tu veux savoir quoi? Bah, en fait, ce que je voulais savoir, c'était comment réagir. Non, c'est pas ça. C'est que finalement, en fait, il y a eu une grosse histoire. Attends. Tu vas tout nous expliquer dans un instant parce que là, bien sûr. Déjà, tu vas nous en parler et puis on va t'aider surtout. C'est pas évident d'être cocu. Mais alors, quand t'es cocu avec la famille, ah ouais, ça c'est quand même terrible, quoi. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes déjà arrivé d'être des petits malins qui disent oh ça reste dans la famille. Ouais, bien sûr, ouais. Ah, c'est du vécu, Doc, peut-être. On dirait, non, ouais. Même pas. Ah, non, mais t'imagines, genre, t'es cocu et c'est ton frangin qui se tape ta meuf, quoi. Ouais, ça, c'est déjà arrivé. Venez nous raconter si vous êtes déjà arrivé des choses comme ça, là. 01 42 48 5000. On va écouter DJ Snake, notre auditeur du soir, Hugo. Tu valides ou pas, DJ Snake? C'est bien ou pas? Ah, bah évidemment. Allez, on met à fond dans un instant, dans 3 minutes. Hein. C'est Love in Fun tous les soirs, 20h, 22h. Merci d'être avec nous. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Kongs. Major Lazer. Axwell et Ingrosso. Salut, c'est DJ Snake. DJ Snake et Justin Bieber. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. James Bond, Mr. and Mrs. Smith et Jason Bourne n'étaient pas disponibles. Alors pour sauver le monde, il ne reste plus que... J'ai un plan. Ça pourrait peut-être nous tuer tous les deux, mais dis-toi que si ça passe, on va devenir de vraies légendes. C'est cool. Non, ça n'a rien de cool. Dwayne Johnson, Kevin Hart, agent presque secret. Cet été, on sort les gros calibres. Agent presque secret, actuellement au cinéma. Salut, c'est Miko sur Fun Radio. Salut Miko. Vous l'aurez compris, il y a une bonne teuf qui se prépare et j'ai bien l'impression qu'il compte sur moi. Pour l'ambiance, mais pas que. Bon, en même temps, c'est normal. Ce soir, Sam, c'est moi. Sam, celui qui permet de rentrer en toute sécurité. Oui, Sam, celui qui conduit, donc celui qui ne boit pas. Allez, tout le monde sur le dance floor, ambiance party fun pour ce soir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises. Hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs? Ou bien carrément, on change de jean? Bref, Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Touch of your skin. Love in my vision. Seeing the same film again. Closer you pull me. Under the table. A sign of how this might end. But if you don't want to hold me, maybe I could change your mind. Cause I'm waiting. Hesitating. And there's other ways to leave here. But I've only asked for you. As you move your body next to me, there's so much more to lose. Le DJ Superstar, c'était DJ Snake, Talk sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h-22h. Sur Fun Radio. C'est une bonne soirée qu'on passe avec vous depuis 20h-22h du dimanche au jeudi. Love in Fun sur Fun Radio. Ta gueule, Cassim. Qu'est-ce qu'il y a, Cassim? Ah bah, je suis d'accord avec toi, moi, je suis bien. Ah, d'accord, ok, bien, merci. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de vous lire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Love in Fun Radio. C'est parti pour quelques messages. Un message de Thomas qui dit: hello la famille, je vous écoute depuis Miami. C'est cool de pouvoir vous mater en streaming. Il y en a qui se font pas chier. Ah ouais, non. Et un autre message de Charlotte: sympa tes nouvelles lunettes, Doc. C'est pour plaire à Katoche que tu les as changées. C'est elle qui a choisi. Oh. Ça s'est passé comment, Doc? Vous êtes allé chez l'opticien. Parce que c'est vrai qu'avant, t'avais quand même des. Non, elle m'a dit que mes prochaines lunettes étaient à chier. Bon, elle te l'a dit. Elle l'a dit gentiment et poliment, comme elle sait faire. Nous, quand on te le dit, tu nous écoutes pas? Parce que vous êtes pas elle. Ah. D'accord. Et alors, du coup, c'est elle qui t'a choisi. Ah oui, j'aurais jamais choisi ça. J'étais incapable. D'accord. Je suis nul. Est-ce que tu l'as fait changer des trucs, elle? Genre ses petites culottes en coton, tu vois? Non. Est-ce qu'elle porte des strings, tiens, d'ailleurs? C'est une bonne question. Non, ça. non, elle supporte pas. Ou des gaines? Non, non plus. Non, encore moins. Attends, c'est qu'elle court 20 à 40 km. Oh, ah bon? Une à deux fois par semaine, oui. Mais pas d'un coup. Tu cours pas beaucoup? Faut 20 km d'un coup, aussi. Ah ouais? C'est vrai? T'en déconnes. Bah attends. Et elle a fait, 25 km à Prospect Park à New York, Brooklyn. D'accord. En courant. En vacances, là, cet été, là. 25 bornes. Elle a fait aussi les 5 km de Central Park. Et en combien de jours? Non, tu rigoles. Pendant toutes les vacances. Donc il l'attendait. Mais j'arrive pas à te suivre. Allez, je suis sûr que t'es derrière, tu suis pas. Ah bah moi c'est sûr, je vomis. On va se faire un marathon bientôt. Ouais. Je ne vous dis que ça. On a David qui est avec nous. David, il a 18 ans, il est de Roubaix. Bonsoir David. Salut. Bonsoir. Salut David. Salut. Toujours avec Hugo, bien sûr, hein, notre auditeur du soir. Hugo, tu interviens à tout moment, hein, je te le rappelle. David, toi, t'es à Roubaix, tu nous appelles pourquoi, là? Une sombre histoire. Alors, mon ex-copine, en fait, a fait en sorte que je la quitte pour pouvoir aller avec mon cousin. Ah bah, elle l'a fait bien. Ah bah oui, parce que ça fonctionnait. Mais c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore ensemble, que déjà, elle avait dans l'idée de se le taper. Ah, ça s'envoyait déjà des petits cœurs Ah oui, quand même. Mais dis-moi, comment tu l'as quitté? En fait, c'est toi qui l'as quitté. Bah, en fait, au début de la relation, je lui avais dit ce que je détestais par-dessus tout. Et en fait, en une journée, elle m'a tout claqué. Tout ce que je détestais. Et du coup, en fait, elle voulait que je la quitte. D'accord. Donc tu l'as quitté. Je l'ai quitté et deux jours après, elle était avec mon cousin. Elle est fine, la fille. Tu trouves, pas elle qui plaque, bah oui. Elle fait en sorte qu'il la plaque et après, bon, elle va se faire consoler par le cousin, normal. D'accord, mais bon, maintenant, t'es au courant de la supercherie et depuis, en plus avec ton cousin, donc c'est la famille. C'est un cousin que tu connais très bien. C'est ce cousin qui m'envoyait, parce que j'ai été à l'hôpital 2 semaines avant, c'est le cousin qui m'envoyait: oh, j'espère que tu vas bien, je serai toujours là pour toi. Pendant ce temps-là, je me fais ta meuf. Voilà. non, il l'entretient. Oui, c'est ça, donc, bien sûr. Et du coup, t'as eu une confrontation avec eux? Comment ça s'est passé après? Bon, en fait, du coup, je me suis retrouvé avec la famille de mon ex qui me traitait de gros connard, que je n'avais pas gardé une fille, et je me suis retrouvé avec toute cette famille. Sauf qu'à un moment, ils ont vu que ça m'atteignait pas et ils ont décidé de s'en prendre à ma petite sœur. Quoi? Sauf que ils ont décidé de s'en prendre à ma petite sœur. La belle famille, quoi. Les parents de ton ex. Ouais. C'est la seule chose qui me fait du mal, c'est de s'en prendre à ma petite sœur. Mais pourquoi ils se sont pris à ta petite sœur? Parce que c'est la seule chose qui me touche, en fait, qui me fait du mal. D'accord, mais pourquoi ils t'en veulent comme ça? C'est pas de ta faute. Enfin, je veux dire, elle t'a fait cocu avec ton cousin. J'ai l'impression qu'il voulait me démolir, en fait, qu'il voulait m'anéantir. Mais finalement, en fait, T'as pas l'impression que c'est elle qui a raconté des conneries? Si, ça, je m'en doute. Après, qu'elle a peut-être dit des vacheries sur toi, qui fait qu'effectivement, t'es passé pour le sale type, quoi. C'est ça, mais c'est sûrement ça. Elle a quand même été portée plainte au commissariat contre moi, parce qu'apparemment, je les harcelais alors que c'était eux qui nous menaçaient, qui nous insultaient et tout. Au commissariat, j'ai eu la policière, elle rigolait au téléphone. Hein. Elle était là, elle disait, mais elle a vu nos messages. David, elle était là, David, change de trottoir. Ouais, je pense. Passe dans l'immeuble d'en face. Tire-toi. En fait, finalement, dans cette histoire, j'aimerais bien les remercier parce que ça m'a fait comprendre quelque chose. En fait, ça m'a fait comprendre que, en fait, elle, je l'avais jamais aimée et que, en fait, j'étais sorti instinctivement pour oublier une autre personne, sauf que ça a pas marché. Et cette autre personne, en fait, j'aurais pas dû la quitter. Enfin, parce que c'était une très très belle histoire. Elle est avec nous ce soir. David, c'est. Tu sais, c'est les romans qui passent, les téléfilms qui passent sur TF1. Amour, gloire et beauté. Ouais, ça va être ça, c'est, oui. C'est trop ça. Mais c'est bien parce que David, finalement, ça t'a servi de leçon et de cet échec, tu en ressors grandi. Genre, ouais, j'en ressors grandi et puis voilà. Aujourd'hui, au lieu d'en pleurer, j'en ris et j'en tire des leçons. Et puis, la prochaine fois, je n'oublierai pas, je n'essaierai pas de me mettre avec quelqu'un pour oublier. C'est beau. En plus, bravo, c'est beau. Voilà, c'est une parole de sagesse. Allez, bon, David, pipi. Bravo, David. Ouais, oui, parce que là, la relation d'après, c'est la relation pansement. Voilà. Ne laisse pas la peur dépasser tes rêves, David. Tu as raison. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est-à-dire que Godefroy, donc, qui commence cette émission depuis quelques jours, commence à prendre trop de liberté. Et il nous met des sons, on ne comprend pas. Vas-y, qu'est-ce que t'as mis comme son, là ? Vas-y. Pardon. Vas-y, vas-y. Et surtout, fais gaffe à ton zizi. Je pense que. Tu sais quoi ? Je pense que Godefroy ne m'a pas donné de la vitamine C avant de commencer l'émission. Lui-même se drogue, je pense. David, merci en tout cas pour cette leçon, en tout cas, ça fait plaisir. Je peux faire une petite dédicace. On t'écoute, David. Je lance une dédicace à une personne qui m'écoute en ce moment parce que bon, je lui ai prévenu que je passais sur Fun et je voulais la remercier de tout ce qu'elle a fait pour moi. Ah, c'est une fille. C'est une fille. Ouais, voilà. Et que, c'est la prochaine. C'est la suivante. Ah ouais, c'est ça. Ouais. T'es amoureux ? Bah oui, bien sûr. Je suis amoureux. Bah, bien sûr. Et bon, on te souhaite tout le bonheur du monde avec elle en tout cas et j'espère qu'elle écoute la radio là, qu'elle a été touchée par ton message. Salut à toi. Salut. J'espère, allez. Ciao, mon David. Ciao. On va voir si notre auditeur du soir suit bien l'émission. T'es là, Hugo ? Ouais, je suis là. Ouais. Le chiffre d'Alice, c'est quoi ce soir ? Je sais pas. Ah ! Un mauvais point. Trop d'informations d'un coup, c'est ça ? C'est quoi le chiffre ce soir, et Alice ? Eh bien, écoute, on va parler des gens qui se sont déjà fait griller en train de faire l'amour, ou même pire, qui ont grillé quelqu'un en train de le faire. Ça t'est déjà arrivé, toi, Hugo ? Non. T'as déjà fait l'amour ou pas ? Non. Ah oui, donc ça peut. Il y a ceux qui grillent leurs parents aussi. Ah ouais, ça c'est énorme. Ah, il a raison, Doc. Hein. Franchement, ça vous est déjà arrivé d'entendre papa, maman en train de faire. Voilà. Non, mais ouvrir la porte et tomber dessus, quoi. Oh, pardon, papa. Oh, pardon. Maman, papa, non, maman. Enfin, voilà. Hein, vous avez compris. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour réagir. Vous êtes déjà fait griller en train de faire l'amour. Dites-nous quelle a été votre réaction, la réaction de la personne. 01 42 48 5000. Vous nous appelez, réagissez sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux. Et voici Ken Jones, le tube de l'été. C'est Don't Mind sur Fun Radio Love in Fun. Voilà. You telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. Don't matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. C'est le tube de l'été, hein. Ken Jones sur Fun Radio et Don't Mind. Le chiffre d'Alice, le chiffre d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice tous les soirs sur Fun Radio de Love in Fun. Ce soir, on va parler de faire l'amour et catastrophe. Exactement. 51% des gens se sont déjà fait griller en train de faire l'amour. 51%, ça fait beaucoup. Ah ça bah, fait beaucoup, écoute. Hein. Moi, je me suis déjà fait griller par mon chien. Mais ne faites pas l'amour par n'importe où non plus. Tu sais, tu es en train de faire l'amour et tout machin, et puis t'entends derrière toi. Oh mon dieu! C'est t'as le chien qui est en train de te mater, quoi. Ça, c'est horrible. Hein. Dites-nous si vous avez déjà été grillé, voilà, en train de faire l'amour. Comment ça s'est passé là pour vous? 01 42 48 5000. Après, a priori, une personne sur deux. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est beaucoup même. Maxime, t'es là? Une ans. Maxime, t'as 18 ans, t'es de Calembour. C'est ça. C'est à côté de Thionville, ça. Hein. C'est ça. D'accord, bah, sois le bienvenu. Tu nous appelles parce que tu t'es déjà fait cramer? Oui, exactement. En gros, je me suis fait griller par mes parents pendant les vacances, alors que j'étais au lit avec deux filles. Non. Oh ah oui. Là, il fait pas les choses à moitié. Attends, raconte, c'était où ça, avec deux filles? Alors, je suis parti en Turquie pendant deux semaines en vacances, donc dans un hôtel. Ouais. Et puis, ben voilà, j'ai fini au lit avec deux filles et mes parents, ben ils m'ont pris sur le fait, quoi. T'avais quel âge? Ben, je sais pas trop en fait. Deux meufs dans ton lit. Attends, comment ça, tu sais pas trop? C'était quel été? C'était histoire d'un soir, donc. Je sais qu'il y en avait une qui avait donc 17 ans, l'autre je sais pas du tout. En fait, ça s'est passé comme ça, je vous raconte. Vas-y. Donc c'était un soir, j'étais parti au bar pour aller boire un coup, et puis j'ai rencontré donc une première fille, c'était une Française. Ouais. On a parlé donc tous les deux, on a fait connaissance, et puis au bout de 2-3 jours, ben on a fini par coucher ensemble, c'était ouais. Génial. Ouais. Et donc le lendemain soir, je retourne donc au bar avec cette même fille, et là on rencontre une autre fille qui elle était anglaise. Okay. Donc, pour communiquer, c'était pas le top, mais il se trouvait que cette fille que j'avais rencontrée parlait bien l'anglais. Donc, on a discuté et tout. Yes, what is it? Et voilà, donc on a fini au final le soir, donc à 3 dans l'hôtel. In the bedroom. Mais le problème, donc, c'est que l'hôtel, en fait, c'est, vous savez, c'est les cartes là, pour rentrer. Ouais, c'est les. Ouais, bien sûr. Ah oui. Ouais, c'est. Voilà, donc il n'y avait pas trop d'intimité et mes parents, donc, avaient la carte et puis. Voilà, on a fait, on a couché ensemble, quoi. Puis mes parents, ils sont rentrés dans la chambre et puis. Quelle position t'étais? C'était le choc. Position, voilà, quoi. J'étais couché, il y en avait une sur moi. T'imagines, ton père, il a dû être fier de toi. Hein, franchement. Ah, mais c'est sûr. Et ta mère, un peu moins. Ah ouais, et ta mère, elle a dû t'engueuler. Vas-y, ça a été quoi leur réaction? Alors, sur le coup, ils ont trop rien dit, ils ont tapé un blanc. Tu m'étonnes. Oui. Et après, j'étais gêné. Alors, t'avais l'anglaise, elle marmonnait, je sais pas quoi, en anglais, j'ai rien compris. Donc mes parents sont partis et le lendemain mon père il vient donc on était sur la terrasse un matin et puis il vient il me fait putain Maxime tant t'as 18 ans je sais une fille c'est bien deux c'est encore mieux mais c'est pas la fête du Smith Je suis sûr qu'il était fier. C'est sûr. Du coup, je me suis pris la vieille morale, ça m'a pourri un peu mes vacances. Bon, ça m'a pas empêché de recommencer avant de partir, quoi. Ah ouais, putain, Maxime, des vacances de rêve, quoi. Sans déconner. Ouais. Bon, ouais, bah bravo. La première fois, c'était pas mal. Eh bah merci. Ah, pour ta première fois en plus? Ah non, la première fois que je fais un plan à trois. D'accord. Ah bah oui, parce que quand même, là, le mec est chaud, quoi. Anecdote de dingue, il se fait surprendre par ses parents. James, 43 ans de Dordogne. Salut, James. Salut, James. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, l'équipe. Salut à toi, James. 43 ans, c'est 43 belles années d'expérience, bien sûr. Ouais, oui, il y a pas mal de casseroles et de. Oui, il y a eu de bons trucs, quoi. Il t'est déjà arrivé de te faire cramer, toi, j'imagine? Non. J'ai toujours réussi à esquiver, mais par contre, moi, j'ai cramé deux fois, quoi. Ouais. Ah, vas-y, raconte. Et comme il faut. Donc, la première, vite fait, donc, on se remet dans le contexte, j'ai 22, 23, 25 ans, je me rappelle plus. On est une bande de copains en bécane de cross, on trace dans les bois, on a un circuit de 80 km. Ouais. On part un après-midi, on rentre dans un chemin, on voit une voiture à l'entrée. Bon, un chasseur, voilà, ou un chercheur de champignons, quoi. On rentre en chemin, on fait une dizaine de mètres. Et en fin de compte, on arrive et il y avait le couple. Donc là, il est à peu près beau, c'était septembre à peu près. Ouais. Le couple, c'était sur le capot. Donc la femme sur le capot, l'homme dessus, et quand il nous a vu arriver, il l'a recouverte, quoi, il lui a sauté dessus, il y avait une petite couverture qui traînait sous ses fesses. Donc il a essayé de lui mettre pour pas qu'on voie, et nous on est passé tous à côté en faisant vomir les motos. Donc forcément, en regardant, en attendant, quoi. Ah bah oui. Là c'était franchement rigolo. Et la deuxième, c'est à peu près la même. On rentre dans un chemin, pareil, par contre en hiver. Là. Et on s'enfonce dans le chemin, et là, une voiture, de la buée partout. Et là, en fin de compte, on comprend vite, quoi. Et mon pote qui est devant s'arrête et frappe au carreau. Police nationale. C'est ça, faut faire flipper. Pas, mais, bon, le monsieur dedans nous a fait un petit signe, quoi. Il était allongé sur la dame, quoi. On l'a pas vu vraiment elle, parce qu'elle se cachait. Bon, lui nous a fait un petit coucou de la main et pareil, on est reparti en faisant brumer les motos. Et, C'est quoi ces petits coins sympathiques en Dordogne? Ça n'arrête pas là-bas, j'ai l'impression. Il a fait un coup de la main. C'est quand même bien pratique, la buée pratique, sur les carreaux des voitures. Bah, bien sûr, on souffle beaucoup. et du coup, on est protégé. Bah, merci, James, reste avec nous. Ouais, James, tu veux dire un truc? Ben juste que je vous écoute depuis l'âge de 18 ans, donc voilà. Ah bah c'était pas nous à l'époque. Non mais c'était le doc. Ah bah oui c'est vrai, il a fait de la radio aussi à l'époque. Ah ouais, j'en ai fait quelques fois. Bien sûr, hein, bah, doc. Nombreuses fois. Ça fait super plaisir, puis là je vous écoute quasiment tous les soirs quand je peux selon les horaires de travail et ça fait plaisir de vous avoir. Bah, c'est de quelle heure à quelle heure l'émission? C'est de quelle heure à quelle heure l'émission, te demande Doc? 20h, 22h. Ah bah voilà, tu voulais piéger. Il écoute vraiment. Bah oui, bien sûr qu'il écoute vraiment, sinon il ne dirait pas. Moi je l'écoute en débauchant, donc je chope à 21h, je chope et jusqu'à temps que j'arrive chez moi, 22h à peu près. Bah on te remercie beaucoup, c'est grâce à toi qu'on est là tous les soirs, James. Ouais. Merci à toi. Allez, ciao l'équipe. Grâce à vous tous, Charlotte, grâce à Charlotte aussi qu'on est là. Charlotte, t'as 30 ans, t'es de tour. Salut Charlotte. Salut. Salut Karel, salut le doc, salut toute équipe. Salut. Alors Charlotte, est-ce que tu t'es déjà fait cramer toi? Oui, malheureusement. En plein acte. En plein acte, ouais. C'était 21 ans qu'on faisait avec une copine, donc on faisait une petite fête. Ouais. Et en fait, je suis partie avec un copain, on a voulu se balader, on était dans une voiture, on ne savait pas laquelle. Et donc, on fait ce qu'on avait à faire et en plein acte, on entend frapper au carreau et je me dis, mais merde, quoi? Et là, on regarde et t'avais 7-8 personnes qui étaient juste dehors avec une copine qui était en train de cut, qui était pas bien. Ils nous ont juste cramé en fait, on était juste plus habillés, il a fait le confort de la voiture, chacun notre tour et tout. C'était il y a combien de temps ça? J'avais 21 ans, donc parce j'en ai 30 aujourd'hui. C'était à 9 ans, parce que ça maintenant ça arrive, les gens ils prennent des photos, des snapshots, des selfies, grave. Dans tous les sens. Il y a eu une histoire comme ça au dernier premier de l'an je crois. Hein. Ouais c'est ça, mais c'était deux mecs en fait qui faisaient ça assez régulièrement. Il y en avait un qui faisait en sorte de chauffer les nanas, il allait les pécho dans les salles de bain, et puis l'autre, enfin dans les salles de bain, en l'occurrence là c'était dans une salle de bain, et son pote lui il arrivait, il ouvrait la porte et puis il prenait des snaps. Quoi. C'est ça, et après la meuf se faisait afficher quoi. C'est ça. Ah bah Charlotte, fais bien attention la prochaine fois, hein. On évite la voiture avec les potes à côté. Ça, c'est qu'il y avait ma soeur en plus de ça, parce que c'était pas ma voiture, c'était la sienne à la copine qui faisait un malaise. Ouais. C'est qu'en plus, t'avais ma soeur. Oh non, voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai juste allumé le gars en disant, mais qu'est-ce que tu faisais avec ma soeur à poids dans la voiture? Ah ouais, putain. Ah, sans voilà. Charlotte. Oui. Oublie cette histoire, tu vois. Il y a pire que toi, il y a Léa qui est avec nous. Léa, 16 ans de Marseille. T'es là, Léa? Oui, je suis là. Salut Karel, salut Doc, salut Ali. Salut. À 16 ans, t'as déjà fait l'amour, Léa? Non. Ah, t'as grillé quelqu'un? Non, pas grillé. Vas-y, raconte. Ben, en fait, je parle doucement parce qu'il y a ma soeur à côté. D'accord. En fait, presque tous les soirs, j'entends mes parents. C'est très fréquent. Ah, ouais. Et c'est assez agaçant, j'imagine. C'est relou parce que du coup, maman est très expressive. Oui, dis-nous comment tu vis ça. Parce que je crois que c'est important que tout le monde comprenne. Dis-nous ce que t'entends d'abord. Oui, bah, c'est à peu près la même chose. Des cris? Des cris de douleur? Ouais. Je sais pas. Elle parle aussi des fois, et genre, ah, vas-y, c'est bon. Non, c'est mon père qui parle. Ah, qu'est-ce qu'il dit, papa? J'entends pas trop, en fait. Ah oui. D'accord. En tout cas, chose positive, c'est que peut-être parents... qu'il coupe du bois dans le jardin. Tu la sens, mais on n'entend pas le bouffon. Tu la sens, ma tub. On n'entend pas. Non, mais voilà, ça veut dire que tes parents ont une vie amoureuse et sexuelle importante. Souvent, ils font ça souvent. Ouais, presque tous les fois. Oui. Est-ce que tu veux, Léa, que ça s'arrête? Bah, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, ça me dérange. Mais tu peux pas faire autrement. Tiens, vous avez deux chambres, t'as la chambre à côté. Oui. Non, parce que... Non, et encore, j'ai de la chance, c'est pas moi qui suis à côté, c'est ma sœur. Parce qu'en fait, j'imagine que ta sœur doit passer de mauvaises nuits en ce moment. Bah, j'espère pour elle qu'elle dort, parce que... Ah bah sinon, parce que toi déjà tu les entends. Bon. Et si tu veux qu'on leur en parle, Léa, on non, peut... Non, non, je veux pas. D'accord. Okay, bah oui, c'est pas. Gênant. Et est-ce que tu as l'impression que ça te traumatise ou au contraire, ça t'empêche pas de vivre? C'est ça le plus important. Bah non, ça m'empêche pas de vivre, mais ça me... Enfin, je sais pas comment dire, ça me gêne, quoi. Ouais. Eh bien, écoute, tu es complètement normal, parce qu'effectivement, il n'est pas forcément sain d'avoir à constater le débat sexuel de ses parents, parce que ça te trouble. Il faut en parler, ça te trouble. Bah, faut trouver, enfin, c'est en même temps très dur, je sais pas combien vous avez de pièces en dans la maison. En petit déjeuner, t'es enfant, voilà. Papa, dis en ce moment. Waouh, quelle énergie. Non, je suis pas, toi, tu dis ça parce que c'est pas ton père, mais imagine que tu dis ça à ton père. Je dirais quand même. Hein. Non, j'ose pas leur en parler du tout. Hein. Ah, mais c'est normal, quand t'as 16 ans, c'est plus délicat. Voilà, voilà, mais ça va passer. L'idéal, c'est de partir de la maison. Oui. Ouais. Plus que 2 ans avant de partir, peut-être. Hein. Mais bon courage, Léa. J'ai envie de te souhaiter une bonne nuit quand même. Hein. Merci. On te fait des gros bisous. Il y a quand même des boules caisses, ça sert. Bisous. Oui, c'est vrai. Bon, le réveil le matin, salut. Tu n'entends pas. Hein. Ouais. Salut, ouais. Salut. Ciao, salut. Ciao à tout le monde. Tu voulais peut-être rajouter un truc, Léa. Pardon, on t'a coupé là. De quoi? Non, non, d'accord, ok. Bah, tu voulais rajouter. On te fait des gros bisous. Toi, Hugo, t'as déjà surpris quelqu'un en train de faire l'amour? C'est déjà arrivé ou pas? Non, même pas. Non. Hugo, notre auditeur du soir qui fait de la radio avec nous depuis 20h, on va accueillir Aymeric. Tu l'accueilles, Hugo? Ouais, bah pas de soucis. Ah bah vas-y. Ok, c'est parti. Vous êtes en direct sur le Infun avec Karel, le doc et Alice, un vrai docteur qui répond à vos questions sur le Infun à 20h, 22h. Et tout de suite, on accueille Aymeric. Aymeric, ouais. C'est ça, Aymeric, il a préparé, hein, il a bien préparé. Hein. Et Aymeric, t'as 22 ans, t'es d'Essonne. Ouais, salut Aymeric. Salut Karel, salut toute l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Aymeric? Moi, je voudrais parler d'éjaculation précoce. Ok, eh ben écoute, ça arrive. Problème récurrent. Même au meilleur, franchement. Oui. Ah oui, oui. Mais voilà, à tout moment, ça peut arriver. Il y a les tardifs et les précoces. On allez. En parle dans un instant, on vous aide. Voici Son of Legend et Komodo. Bon, ce sont un Son of Legend sur Fun Radio Komodo. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Love in Fun. Sur Fun Radio. Radio. Tous les soirs en direct pendant 2 heures sur Fun Radio, Love in Fun, pour nous appeler 01 42 48 5000. On lit vos messages aussi sur le Twitter de l'émission, hashtag Love in Fun, la page Facebook Love in Fun et le Snapchat de l'émission Love in Fun Radio Alice. Un message de Louis, encore une soirée à délirer avec vous. Comment on fait pour passer vous voir en studio? Ah, il faut envoyer un mail, hein, tout simplement. Voilà. Love in fun at funradio.fr et apporter des chocobons. Ah ouais, ça c'est principal. Et attends, c'est toxique. Et des putes. Oh, et des bonbons pour. Ça c'est pour Cassine, mais bon, non. Non, non, et apporter des chocobons et Doc qui nous dit que c'est toxique alors que c'est le mec qui. C'est celui qui en, ouais, non, c'est lui qui en mange le plus. Oui, justement, c'est bien pour ça que j'en veux pas. Bah ramenez-nous. J'ai une bonne raison. Alors ramenez-nous des bonbons. Non, des petites tomates cerises. Oh, c'est nul, c'est d'un chiant. Oh là, putain, Doc. Tiens, regarde, il a dit oui, il a applaudi. Ah ouais, non, mais bravo. Oui, mais parce que lui, en mode fitness et compagnie, ça va. J'ai l'impression que Godefroy va être le nouvel ami du Doc. Ah oui, quoi. Godefroy, t'aimes pas. Un autre message. Un autre message de Clara, plus que quelques minutes. Je m'ennuie trop quand vous n'êtes pas là. On pourrait pas faire des émissions de 24 heures? Alors, on est en préparation d'une émission, effectivement, qui durera. Non, c'est pas vrai. Qui durera 3 ans. Voilà. Non, mais pourquoi pas, ça donne des idées hein, pour cette nouvelle saison. Emmerich est avec nous, 22 ans d'Essonne. Bonsoir, Emmerich. Salut, Emmerich. Salut. Salut à toi, Emmerich. On va parler d'un vrai problème. Alors là, je m'adresse à tous les mecs à qui ça n'est pas déjà arrivé. Franchement, tu veux nous parler de quoi? Moi, je voudrais parler des éjaculations précoces. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai fait ma première fois un peu avant mes 20 ans. Là, aujourd'hui, je vais avoir 23 ans dans quelques temps. D'accord. Et en gros, là, ma première fois, c'était pour moi assez bien, ça va. Sauf qu'en fait, j'ai eu une éjaculation précoce. Et du coup, en fait, depuis, ça m'arrive à chaque fois que j'ai un rapport sexuel. Et alors, j'ai cru au début que c'était uniquement parce que j'étais stressé, etc. Sauf qu'entre temps, j'ai eu une aventure, enfin une aventure non, plus que ça, c'était j'ai eu une copine pendant plusieurs mois, plus de 6 mois. Et en fait, ça continue de m'arriver, même vers la fin de la relation, quand ça allait bien, enfin niveau sexuellement parlant, ça allait bien. Et du coup, ça continue de m'arriver. Et du coup, là, ça fait. Enfin, je continue à avoir des aventures d'un soir, mais c'est gênant, quoi, en gros. D'accord. Quand ça dure, il y a combien de temps de pénétration? 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes, 4 minutes? En fait, sur la première, enfin, c'est forcément moins de 10 secondes de la pénétration. Mais donc ça, c'est une vraie éjaculation précoce. Ouais, c'est tôt, quoi. J'ai envie de dire, en fin de compte, je peux à chaque fois, même si j'éjacule au bout de 10 secondes, j'attends 10 secondes encore et puis je continue, mais je peux faire des. Après, c'est juste la première éjaculation. D'accord. Après, des éjaculations au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, des trucs comme ça. Donc déjà, c'est une bonne étape. Et je pense qu'effectivement, surtout si tu as des aventures occasionnelles, la première fois, tu as très, très envie, ce qui n'est pas très grave. Si tu restes pas avec une fille, tu ne vas pas y arriver. Il faut se mettre avec une fille pour travailler sur le truc, quoi. Bah, bien sûr, sur le plaisir. Parce qu'en fait, vous êtes tous habitués à vous branler à mort et à chercher l'orgasme. Ouais. À chercher l'orgasme, ça vient vite. Or, en fait, la qualité de la relation sexuelle est dans la capacité à éprouver du plaisir en longue durée, en plateau. Bien sûr, voilà. C'est ça qui est dur. Et quand tu éprouves du plaisir, eh bien, tu inventes, tu donnes du plaisir, bien évidemment, il y a des tas de choses qui se passent. Mais quand tu recherches l'orgasme, comme dans la branlette, c'est emmerdant. Voilà. Donc il faut... Alors, une fille, si possible stable, tu peux ou pas, là? Ou c'est pas possible? Là, en ce moment, avoir une fille stable. Prends une pote, je sais pas, une pote pour t'aider. Quoi, tu dis que c'est pour les cours du soir. C'est ça. Non, mais ça, c'est important. Il faut commencer à avoir une vraie relation pour travailler sur ça, quoi. Ouais. Tu comprends? Parce qu'après, il y a la technique. Ça, c'est une technique que Doc m'a appris. C'est incroyable les performances que j'arrive à faire maintenant. C'est juste dingue. Avant, je tenais 30 secondes. Maintenant, je tiens au moins. Oui, je pose la question parce qu'il y en a qui tiennent un quart d'heure et qui se disent que je suis éjaculateur précoce. Non, mais. Ils regardent trop les films porno. Franchement, ta technique, elle est mortelle. C'est en fait, au moment où ça vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Un peu avant. Il faut se retirer et reprendre les jeux érotiques. Donc là, ça peut être frustrant pour la copine. Non, parce que tu as des mains aussi et une bouche, mon ami. Ah, je te vois venir, Doc. Et que c'est pas parce langue que tu... Langue de velours. Oui, tout ce que tu veux, mais voilà, les jeux érotiques donnent du plaisir. Voilà. D'accord. Bon, ça, c'est important. J'espère que t'as bien tout compris, Emmerich, parce que c'est ça qui va t'aider. Hein. Ouais, mais ça, à la limite, ça, je l'ai compris que, il fallait, y avait pas qu'avec ma queue que je peux faire quelque chose. Non, mais attends, il faut une partenaire régulière avec une aventure d'un soir, t'y arriveras jamais. Ouais. Bah oui, mais par exemple, quand je prends mon exemple, justement, une copine qui a duré plus de 6 mois, au final, c'est une partenaire régulière. Bah oui, mais là, t'as pas essayé ce qu'on t'a dit, déjà. Ah oui, ouais, d'accord. À chaque fois que tu sens que ça vient, et même si ça vient tout de suite, tu te retires, tu recommences. Ah ben, il y a un moment où ça part, tu peux plus. Il faut bien faire sûr, avant. Bien sûr, c'est normal, mais c'est comme ça que vous allez progresser en parlant tous les deux. Tu raccroches pas, Emery, et on sera avec Aude tout de suite, 22 ans de Chaumont. Aude, t'es là? Oui, ouais. Bonjour toute l'équipe. Bonjour Aude. Tu t'es très emmerdée toi je crois Aude. Ouais. Vas-y raconte, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait je suis en couple, ça fait un peu plus d'un an maintenant, mais la mère de mon copain ne peut absolument pas m'encadrer. D'accord. On va l'appeler. Tu bouges pas. Non, on va pas l'appeler. Plaisante, hein. On va pas l'appeler, t'inquiète pas. La belle-mère, voilà, qui la déteste, restez bien avec nous. On écoutera Calvin Harris sur Fun Radio, avec Rihanna bien sûr. L'un des tubes de l'été, Kassim, t'es pas obligé de chanter. Je fais du souci pour Kassim, restez avec nous. A tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Amir, des réseaux sociaux, est-ce que tu as joué à un jeu cet été? Ouais, j'ai essayé le loup-garou. Ah oui, c'est archi bien. C'était la première fois que je faisais. Dis-moi, toi, t'étais le loup-garou? Ouais, bah, comment tu sais? Les sourcils. Allez, ne soyez pas impatients, on débarque à 22h. Oui, soyez là, car je vous veux, auditeur de Fun Radio. Marion et Anso, 22h minuit. The Night Show. Sur Fun Radio. Fun Radio. Le chasseur et la reine des glaces. Grâce au pouvoir du miroir, je dominerai le monde. Découvrez l'histoire qui a précédé celle de Blanche-Neige. Chasseur, es-tu prêt? Avec Charlize Theron et Chris Hemsworth. Un grand film d'action et d'aventure. Le chasseur et la reine des glaces. En DVD, Blu-ray, coffret. Ce miroir est maléfique et dangereux. On doit le détruire. Avec Fun Radio. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Fun. Le son dance floor. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. RDT sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, Paris, Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam. Je me balade en Paris. me balade en paille. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. C'est Love in Fun, c'est tous les soirs sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Notre auditeur du soir qui est avec nous là depuis 20h, c'est Hugo. Hugo, t'es là? Ouais, je suis toujours là. Tu nous mates en streaming sur le site de Fun ou pas? Évidemment. Est-ce que tu as vu qui est arrivé dans le studio? Non. Ah, il regarde pas. Permanent. Ah, tu regardes pas bien alors. Ah, c'est qui? C'est qui? C'est toi. Regarde, qui est à côté du doc? Qui est à côté du dog? Bah, c'est toi. Ah non, elle arrive. C'est. Ah oui, il y a le décalage. Ah, il y a le décalage. Alors tu. Mais oui. Qui est cette femme? Je ne sais pas. Eh bien, c'est Katoche. Katoche est avec nous. Bonsoir, Katoche. La copine du doc. Vous êtes là tous les deux là. Ouais. Vous avez été tous les deux à New York. Ouais. J'ai l'impression que vous avez vécu des vacances exceptionnelles. Ah oui, tous les deux, oui. Vous vivez une aventure incroyable tous les deux. Ah, carrément, oui, je confirme. Qu'est-ce qui va se passer cette année là, sans déconner? Vous serez invité. Invité. Invité à quoi? Invité à quoi, Doc? Bah, à ton avis. Bah. Vous allez vraiment vous marier? Bien sûr. Tu lui as fait ta demande, Doc? Ouais. C'est vrai? Katoche, tu as dit oui? Oui. Oh oui, oui, oui, oui, oui. Doc va se marier cette année. Nous, début d'année prochaine, mais c'est pareil. Ah, ça, c'est génial, Doc. Bah oui. Début d'année prochaine. Ouais, bah oui, avec les. Et les on est invité. Bah évidemment. C'est où? Bah on verra. Et si c'est à l'étranger, on est invité, mais genre des vrais invités, on est escortés. Ah bah oui, j'ai demandé à Tristan de payer les billets. Tristan, c'est le boss de Fun Radio. Ça, c'est une belle nouvelle. Hein. Franchement, ouais. On est content de vous faire partager ça là, en direct sur Fun Radio. Tu t'y attendais pas, ça, Hugo, hein? Non, pas du tout. Eh ben voilà, c'est la surprise, mon poteau. On a Aude qui est avec nous. Aude, elle aimerait bien vivre une situation comme ça. Je peux vous assurer que c'est la merde. Pour elle, elle a 22 ans. Ouais. Elle est de Chaumont. T'es là, Aude? Oui, je suis là. Félicitations, Doc. Merci. Mais oui, on va avoir plein de messages de félicitations là. J'espère bien. Pas seul, mes parents aussi vont se marier. Ah bah, félicitations. Félicitations également. Aude, raconte-nous un petit peu là pourquoi tu nous appelles ce soir. Bah en fait, ça fait un an et demi que je suis avec mon copain. Oui. Bon, ça n'a pas toujours été simple, on s'est séparés 3 fois, mais là c'est bon, on s'est remis ensemble, c'est réglé. Ouais. Sauf que sa mère, elle peut absolument pas m'encadrer. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi je sais pas, elle a jamais pu me piffer ça depuis le début. Alors elle, je sais pas, elle doit bloquer parce que physiquement je suis un peu ronde. D'accord. C'est des critiques, c'est. Enfin voilà, c'est de pire en pire en ce moment. Attends, il vit où ton copain? Il vit à peu près une heure de chez moi. Ouais, ouais. D'accord, chez sa mère. Ouais, bah là il est obligé parce qu'il a plus de boulot, mais. Mais il va trouver un boulot, il va déménager, il a quel âge? Non, mais il n'a pas déménagé, il vit toujours chez ses parents. Non, mais j'ai bien compris. Bah oui. Il a quel âge? Il a 21. À 21 ans, on quitte ses parents. Bah, c'est ça. Voilà. À un moment donné, il faut sortir du cocon familial. Oui, peut-être que. Ouais, mais là, c'est parce qu'il a eu des missions en intérim, des CDI, des CDD, attends, et tout ça. Bien sûr, non, mais ça se construit tout ça. Faut pas que tu t'inquiètes. En même temps, t'es pas obligé d'aller tout le temps chez sa mère, si? On essaye de voir en dehors, mais elle supporte pas que lui vienne me voir. D'accord. Bah écoute, à un moment, il faut quitter papa-maman. C'est à lui de faire. Tu sais, dans un couple, ça arrive, ces choses-là. Mais c'est à lui de faire le ménage. Et heureusement, ça peut changer, s'améliorer. J'espère d'ailleurs que c'est le cas pour ceux qui nous ont appelés, là, qui réagissent. On a Marjorie qui est avec nous. Bonsoir, Marjorie. Bonsoir. Salut, l'équipe. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Alice. Salut, Marjorie. Salut. Justement, toi, tu voulais réagir par rapport à la belle famille. Hein. C'était la belle-mère qui pouvait pas t'encadrer. C'était qui? Alors moi, j'étais avec mon copain, donc je suis restée 3 ans avec, et ma mère ne pouvait pas le blairer. D'accord, alors justement, comment t'expliques ça, et comment est-ce que vous avez essayé de résoudre le problème? On n'a pas résolu le problème, puisque on s'est séparés. Mais comment j'explique ça? C'est parce que j'étais la petite dernière, qu'elle ne voulait pas que je parte de la maison, et que la relation commençait à devenir un peu trop sérieuse à son goût. D'accord. Là, c'est rien à voir avec le copain, c'est la famille un peu abusive qui, effectivement, ne veut pas lâcher l'enfant. Ça existe. C'est pour ça que je vous le dis, il faut faire un métier, bosser, et sortir de chez vous, aller habiter seul. Je sais que ce n'est pas toujours facile, je le conçois volontiers, mais quand même, c'est un objectif à atteindre. Victoire, tu as 17 ans, tu es Damien. Salut Victoire. Salut tout le monde. Salut Victoire. Tu te reconnais un petit peu dans le témoignage d'Aude de Chaumont là, qui nous a appelé? Bah ouais, parce que moi, je suis restée un an et demi avec mon ex, et le truc, c'est que sa mère, elle pouvait pas me blairer, puis elle a été trop loin, en fait, dans ses propos, tout ça, et du coup, on n'est pas restés ensemble. D'accord, donc ça a complètement niqué votre relation, quoi. Ouais, elle pouvait vraiment plus. Enfin, non, c'est ouais, vraiment, franchement, ouais. Et toi, t'as essayé de te battre ? Bah oui, pendant allez, 6 mois. Puis après, bah j'ai tenté de me suicider à cause d'elle, en fait. Donc elle était trop loin. Je vais te dire une chose, c'est même écrit dans la Bible, tu quitteras ton père et ta mère. C'est quelque chose d'absolument essentiel dans la vie. À un moment donné, quand on construit sa propre vie avec un couple, alors il y a une phase de transition, quand on a 17, 18 ans, 20 ans. Ouais, c'est pas facile. Encore chez les parents. Faut encore pouvoir partir aussi, Doc. Il faut prendre son envol. Oui. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais matériellement, sûr, parfois, c'est difficile. Tout se construit. Et pas forcément en 3 jours. Donc, il faut, pour un métier, bosser et aller habiter. Bon, je sais que c'est pas facile, mais il y a beaucoup qui y arrivent quand même. Bien sûr, il faut voilà, avoir aussi de la motivation. Et c'est vrai que quand tu es amoureux de quelqu'un et que tu peux pas vivre pleinement ton amour, ça peut être une bonne source de motivation. Ouais, exactement. Et surtout, chez ses parents, c'est pas facile de vivre. Aude, est-ce que tu t'en sens capable, justement Ouais, mais là, je voudrais rajouter quand même quelque chose. Vas-y. Enfin, plusieurs choses même. C'est que mon copain, il a un frère qui a 19 ans. Il change de copine, bah là, déjà depuis le début de l'année, il a déjà changé 2 fois, sa mère elle accepte, pas de soucis. Ouais. Et ce qui se passe à côté de ça, c'est que elle était en train de m'insulter, comme je vous ai dit. Et moi, j'ai essayé quand même d'aller vers elle et tout ça. Ouais, et mon copain, il lui a clairement dit, mais tu te rends compte qu'elle fait des efforts pour essayer de te parler et tout ça. Et elle lui a clairement dit, mais de toute façon, je l'aime pas, je vois pas pourquoi je ferais un pas avec elle, j'ai dit c'est que je l'aimerais pas. Et elle est tout en train de critiquer dans mon dos, donc j'ai dit à mon copain, écoute, si elle est pas contente, elle m'appelle, on règle nos problèmes ensemble. Donc mon copain lui a dit, et elle lui a clairement dit, non, on va pas la déranger, machin truc. En fait, elle vient pas me parler en face. Mais elle fait tout pour que vous sépariez. Voilà, et d'autre part, ton beau-frère... Et mon copain, alors, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que comme elle va très loin dans ses propos, et tu sais que moi, je suis particulièrement fragile mentalement, bon, lui, ça va, il est de mon côté, hein. Mais il est obligé quand même de protéger sa petite amie de sa mère. Je lui dis, c'est pas normal. C'est pas normal d'en arriver au point-là. Oui, bon, voilà. Tout dépend s'il te veut, toi ou sa mère. Et c'est pas toujours évident. En tout cas, si elle tolère les petites copines du frère, c'est que lui, il change tout le temps. Donc ça l'arrange. Parce que c'est pas fixe. C'est terrible, hein, ton histoire, Aude, parce que... C'est surtout qu'il ramène des belles filles qui sont minces, qui lui plaisent, qui sont riches et tout, que moi, ma famille, ils sont pas riches, elles le savent très bien. Attends, te dévalorise pas. Physiquement, je suis ronde et tout ça, et arrête de dévaloriser. Elle dit comme quoi, je suis avec mon copain, c'est juste pour son fric, alors j'en ai strictement rien à faire. Mais tu écoutes pas, et tu fais en sorte de le voir sans la voir, elle, et n'essaye pas de l'amadouer, ça ne sert strictement à rien. Non, mais je sais même plus maintenant. Et tu la vois plus, et tu vois ton copain, et tu trouve un endroit pour le voir sans voir sa mère. Tu feras sans sa mère, voilà. Ça c'est sûr. Il faut, mais c'est important, tu vas le comprendre. Et ce n'est pas à toi à faire des efforts, d'accord ? Ouais, mais bon, ouais, j'en suis au point que j'en fais des cauchemars la nuit, j'en suis pas bien du tout. Quoi. C'est pas besoin de séduire la mère, hein. C'est le mec qu'il faut que tu sais. Non, mais là, je m'en fous, c'est juste que je voudrais qu'elle ait un minimum de respect envers mais moi. Mais elle ne l'aura pas, Aude, pas pour l'instant en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu la zappes totalement de ta vie et qu'elle n'existe plus, tu vois. C'est comme ça que. Parce que sinon, votre relation, elle va se finir. Et plus ça te frappe, plus ça te fait de mal, plus elle le fera. C'est devenu un outil de harcèlement pour elle. N'oublie pas ça. On te souhaite bon courage en tout cas, Aude. Si tu as besoin qu'on continue de t'aider. Moi, je veux bien l'appeler, ta belle-mère. Qu'on puisse l'appeler peut-être aussi. Ouais, pourquoi pas. On le fera si tu en as envie, Aude. Moi, je voudrais bien essayer de l'appeler, mais seul à seul pouvoir m'expliquer avec. Mais je vais y réfléchir. Hey, pour ça sert à rien pour toi. Faut qu'il y ait un tiers. Ouais, ça, je pense aussi, quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Et puis savoir ce qu'elle me reproche surtout. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut peut-être aussi avoir une dernière conversation avec elle. On va voir si c'est possible ou pas de le faire avec toi peut-être demain, Aude. Merci beaucoup pour cette soirée. Alors, déjà fini. C'est déjà fini. Hugo, notre auditeur du soir. Ouais. J'avais juste un petit conseil à donner à toute la France. Vas-y. C'est-à-dire pour faciliter la vie aux hommes comme aux femmes, très simple. Alors ça, je pense que ça va être le conseil de l'année. Donc écoutez bien. C'est de rester célibataire comme moi. Bravo Hugo. Ok, d'accord. Hugo, tu vas annoncer la suite sur Fun Radio puisque t'es un fidèle auditeur. Qu'est-ce qui se passe tous les soirs entre 22h et minuit? Tous les soirs entre 22h et minuit, c'est tout simplement l'émission du Night Show avec Marion et Anso, tout le reste de l'équipe évidemment. Et il veut être animateur radio, j'ai l'impression, Hugo. Bonsoir les filles, bonsoir Marion, bonsoir Anso. Mais on le connaît, Hugo, bonsoir. Eh ben bonsoir, bonsoir les filles. Qu'est-ce qui va se passer ce soir dans l'émission? J'ai l'impression que ça va être un show énorme. Non, mais déjà, quand même. On aimerait quand même féliciter. Ah oui, mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Doc va se marier. Mais bien sûr, merci. Nous sommes très touchés. Ah, vous n'êtes pas invité, les filles, a priori. Si, on les invitera aussi. Si, je vous inviterai. Hein. Mais on peut en France, quoi. Attends, si c'est à l'étranger, Doc, t'invites que nous. Hein. Bah, L'équipe proche, on a dit. Il est con. Ouais, mais c'est Katoche voilà. qui va nous en parler. Voilà, exactement. Elle a pas l'air d'accord. Si, si, elle est d'accord. Non, elle est d'accord. On vous invitera. Elle est non, belle, Katoche. C'est belle. La grande nouvelle. Doc va se marier cette année, en 2017, hein, c'est ça? Oui, enfin, voilà, premier trimestre. Probablement. D'accord, ok. On espère que ce sera aux États-Unis, bien sûr. On fait des gros bisous, les filles. Amusez-vous bien. Et rendez-vous demain à 20h pour Love in Fun. À tout. Un jour je serai le meilleur auditeur, je les écouterai sans répit. Je ferai tout dès 22h pour rester jusqu'à minuit. J'écouterai l'émission tout entière en quittant chaque soir. Marion Hanson. Marion. Marion. Et Anso. Et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde, il est 22h03. Hello. C'est Marion et Anso, le Night Show. Et c'est déjà la troisième de la saison 2. Ah bah ça file à une vitesse, j'ai l'impression qu'on est là depuis 10 ans déjà. C'est un kiff de vous avoir retrouvé. Là, on est en direct depuis lundi, du dimanche au jeudi. On espère que vous passez des bonnes vacances parce que c'est encore les vacances. Oui. Bon courage à ceux qui bossent aussi, qui nous écoutent là en bossant. On voit tous vos messages sur tous les réseaux sociaux, les routiers, les agents de sécu, les infirmiers, tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Et bonsoir, ma Anso. Bonsoir Marion, bonsoir à tous et un bon courage à vous qui n'avez pas la climatisation. Ah oui, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un cagnard de ouf. On est d'accord que sur Paris en tout cas, je sais pas ce que ça donne sur les autres régions. Je partout, crois que c'est pareil. Partout, hein. Partout, on est sur une canicule française. Ah bah nous on était française nationale. On était sur du 35 degrés, mais on va pas se plaindre. Non, on va pas se plaindre, mais quand même juste 5 degrés de moins quoi. Comment on fait pour dormir? Ah ouais, c'est comment, vrai. Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour avoir cette frange très lisse alors que moi elle est déjà en bazar tout depuis le début de la journée à cause de la chaleur, c'est un enfer quoi. C'est vrai que Anso sue beaucoup de la frange. Globalement, hein, c'est très glamour, mais elle est comme ça quoi. Moi, en termes de glamour, je peux vous donner des nouvelles de ma lèvre. Ah oui, c'est vrai que Marion s'est fait opérer d'une glande salivaire hier matin. Voilà, et donc j'ai extrêmement mal. À base de j'étais obligée d'aller voir aujourd'hui parce que j'ai un hématome et tout et je peux à peine parler. Donc là je fais un effort mais je vous jure dès que je souris, je suis en train de me dire que les deux nanas sur Fun Radio elles sont vachement glamour. Il y en a une qui suit vachement de la frange et l'autre qui s'est opérée d'une glande salivaire. Oui mais à part ça on a quelques atouts. Oui c'est vrai. Bah oui petite femme. Lesquelles? Bah je ne sais pas mais en tout cas on vous a préparé une grosse émission ce soir. Ouais il y a un tout nouveau jeu à découvrir dans le Night Show ce soir, c'est le Wesh c'est qui. Vous allez pouvoir découvrir ça, c'est simple. Il faudra faire découvrir, deviner des stars à vos parents en une minute. Pourquoi à vos parents? Parce que c'est vrai qu'on peut tout leur dire aux parents et que c'est souvent hyper drôle. Oui, on s'énerve, donc c'est marrant. Inscrivez-vous dès maintenant si vous voulez jouer avec nous, là, 01 42 48 5000. Et puis on aura Marine aussi au téléphone ce soir. Alors elle, il lui est arrivé un truc de ouf cet été, elle s'est fait draguer. Bon, jusque-là, ça fait toujours plaisir. Oui. Mais elle s'est fait draguer pas du tout par la bonne personne puisqu'elle s'est fait draguer par le mec de sa mère. Ouais, je sais, c'est dur, le beau-père. Donc du coup, moi j'ai plein de questions à lui poser, je sais pas vous, mais en tout cas pour faire de la radio avec nous toute la soirée, 01 42 48 5000. Pour le son, on va s'écouter le Kungs, on l'aime celui-là. Ah ouais. I'm gonna rock you. Il était venu mixer dans le Night Show d'ailleurs l'année dernière. Ouais. Je l'ai suivi tout l'été, il se fait des kiffs, hein. Il commence à mixer un peu partout le mec. Hein. Ibiza, il mixe partout. Hein. Et qu'est-ce qu'il est bon ce gars? Il est bon, il est hyper jeune. Hein. Ouais. Et ce son, il donne envie de boire des cocktails, tu sais, avec tes potes. C'est ça. J'adore. Ouais. Il y aura aussi Jonas Blue. Baby, we don't need no reason why. Est-ce que tu l'as suivi tout l'été? Non, mais mais t'as pas une petite info quand même? Non, je sais que j'ai envie de boire des cocktails en écoutant Jonas Blue aussi. D'accord. En fait, on vous a préparé une programmation cocktail ce soir. Amir des réseaux sociaux, bonsoir. Salut les filles, comment ça va? Très bien. Anso, dis-moi un chiffre. Mais compris entre quoi et quoi? Entre 100 000 et 115 000. Bah 110 000. 111 000. 111 000. Je sais. 111 000. 111 070. Moi je sais, je sais. Ah, ouais. C'est le nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube Marie Menso. Ah, elle pèse dans le game. Je pèse. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, c'était pas très compliqué non plus. Non, mais... On est à 111 000 sur la chaîne YouTube Marie Menso, c'est trop kiffant. C'est frais, merci. Ouais. Rejoignez-nous. Hein. Bah, et puis sur Twitter, 22 000 abonnés. Et puis comme tag, hashtag The Night Show pour réagir à l'émission. Et Facebook, on est à combien? 84, non? 84 000, je crois. C'est on pas est mal. À... Ouais, c'est ça. Ça grimpe pas mal. On fera ouais. des Facebook Live. Là, je sais que vous avez bien kiffé celui d'hier. Donc, restez là. Il y a mon Thibaut à l'area aussi. Bonsoir. Ouais, salut. Ça va ? Ouais, ça va super bien. Des sons de Snapchat. Ouais, il se fait kiffer, Thibaut. T'as passé une bonne journée, Bichon ? Ouais, super. Tranquille, t'as fait quoi ? T'as bossé, toi ? Bah, non, pas trop. J'ai profité du soleil. Terrasse. La question qu'on se pose, parce que Thibaut, c'est quand même le mec le plus stressé de France depuis 3 jours. Ah, mais non ! Si, il est pas bien, il a peur de faire une loose, parce que voilà, c'est ses premiers pas en tant que réalisateur ouais. complet, quoi. Ouais. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que tu commences à te sentir à l'aise ? Écoute. Non, non, il est pas bien, il tremble et tout. Encouragez Thibaut sur les réseaux sociaux avec le hashtag le Night Show et tout. Il en a besoin et puis c'est un beurre, on l'aime non, bien. Non, mais ça va le faire, franchement, ça va le faire. Il n'y a pas des sons qui vont partir de partout. Enfin, c'est. Ça va. Cool. Et puis bah, sur le standard, on va dire bonjour à Yannick parce que Enzo n'est pas là. Alors, il est parti je ne sais où. Le mec est parti certainement aux toilettes. Aux toilettes. Eh ben, ouais. Ça promet encore cette histoire. Ça va, Yannick ? Eh ben, ça va super bien, salut les filles. Bon, t'es chaud pour accueillir les gens au 01 42 48 5000 ? Bah ouais, carrément, appelez-moi. Bah, alors, du coup, c'est toi qui vas nous présenter le premier auditeur de la soirée ? Eh ben, c'est Jean-Marc, il veut passer un appel. Ah. Un appel, d'accord. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir, Marion, bonsoir, Enzo, bonsoir les filles. Ouais, salut, Jean-Marc. Comment ça va, JM ? Très bien. Alors, t'habites Toulouse, toi ? Toulouse, oui, je suis toulousain. D'accord, alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien de grave. Enfin, en fait, je suis célibataire depuis 6 ans et je cherche à refaire ma vie avec une Toulousaine, si possible, qui partage les mêmes goûts que moi, la musique des années 80, son même solar, Black M, Maître Gims, des choses comme ça. D'accord, j'aime bien. Alors, Jean-Marc. D'un coup, c'est très large et puis après, c'est très ciblé. Jean-Marc, t'as 48 ans. C'est ça. D'accord, célibataire depuis 6 ans. Est-ce que tu peux te décrire en deux mots ? Alors, je suis blond aux yeux bleus, je porte des lunettes, je mesure 1m72 et je pèse 83 kilos. Oh, c'est précis. D'accord, et tu disais que tu étais donc fan de musique, est-ce que tu chantes ? Oui, je chante, ah, j'adore chanter. Mais tu peux nous chanter un truc là, Jean-Marc ? Ouais, un petit Black M. Ah bah okay. Carrément, vas-y. Sur la route, et il y a eu du mauvais, de l'aventure dans le mauvais, une vie de route. Est-ce que... Oui, bah c'est pas mal. Mais... Bah, c'est pas mal. Si, c'est pas mal. Une version rapide, quoi. Ouais, voilà. Mais il est stressé, Jean-Marc aussi. Non, ça va, ça va. Non, mais en même temps, à la radio, c'est pas ça. Non, ouais, c'est pas facile. Et puis, c'était juste, au moins. Est-ce que tu as d'autres hobbies, Jean-Marc, éventuellement ? Hobbies, ouais, j'aime bien les balades en montagne, tout ça. Ah, d'accord. C'est stylé, ça. Mais on t'a même pas demandé qu'est-ce que tu faisais dans la vie ? Je suis horticulteur. Horticulteur, ah. D'accord. Donc, tu t'occupes des fleurs, tout ça, quoi. Voilà. Donc, t'es forcément un grand romantique. Oui, je le suis. Bon, eh ben, écoute, Jean-Marc, on va essayer de te trouver ça. La Marion et Anso@funradio.fr ou le standard numéro gratuit 01 42 48 5000. Vous nous appelez si vous êtes intéressé. Après, Jean-Marc, tu t'es absolument bloqué sur une Toulousaine ou on peut partir sur Dijon, Le Mans? Ah non, je ne peux pas me déplacer. Je cherche juste une Toulousaine. Ah oui. Non, je ne peux pas faire le déplacement. D'accord. Bon. Et même...